Pour Justin Timberlake, il était déjà numéro 1 du hit Skyrock ce matin entre 10h et midi. C'est les 20 titres les plus vendus en France. Et là, ce soir, les Américains ont renouvelé leur confiance en Justin Timberlake. Il est numéro 1 du hit US ce soir. Pour bien démarrer cette soirée surpuissante, Can't Stop the Feeling numéro 1. Vincent, numéro 1 aussi sur Diffoul, bah oui, sur les best of, sur tout ce qui déchire. Bah oui, on est là. Va, Maxime, et toi aussi, numéro 1, number 1 dans la place. Bon, on te retrouvera le week-end prochain. Je crois que ça sera encore toi hein, pour le hit US. On sera là. À chaque fois, on fait de la radio et c'est super, le week-end. Ok, ça marche. Bon, du foot, du Diffoul, c'est parti. On y va, let's go. Merci Maxime. Ciao Vincent. Yo, la spéciale de Diffoul, 21h minuit sur Skyrock. Bienvenue à vous tous, j'espère que le week-end a été bon. La fin des examens pour certains, la fête des pères, l'Euro de foot également, on reparle de tout ça. Dans quelques secondes, une grosse soirée, la plus grande radio libre de France, la radio libre de Diffoul. Les meilleurs moments, c'est tous les dimanches soirs sur Skyrock de 21h à minuit avec ce soir le Marseillais SCH. SCH qu'on écoute toute la journée sur Skyrock. Avec Champs-Élysées, il y a ça aussi, je la connais. Un tour en Ferrari pour SCH avec Cédric et Romano. On va se mettre ça dans le cours de l'émission. Il y a MHD également, un petit peu la soirée des rappeurs en trois lettres. MHD qui va venir taper le freestyle avec Romano dans le cours de l'émission. Au programme également le double appel de famille qui n'ont rien demandé et qu'on a pourtant mis en contact les unes avec les autres. C'est Patrick à l'appareil. Ouais, ça va. C'est Patrick à l'appareil. Vous foutez de ma gueule là. Ouais. Une famille en plein pétage de plomb. Le double appel, on va se mettre ça dans moins de 20 minutes. Le super clash de la drague également, totalement inédit. On a mélangé les meilleurs clashs de Cédric contre les meilleurs clashs de Romano. Ce soir, Romano va tenter de serrer Karine. Je te préviens. Tu rappelles encore une fois. Mon mari, il est flic, il va directement te voir, c'est d'accord. Clair. La police pour Romano et Cédric, lui, il va tenter de serrer William. Ouais, bah écoute, pourquoi pas, hein. mon string léopard. Ah bah génial, on va se faire un petit truc à trois alors. Bah ouais, ça tombe bien d'ailleurs, j'ai des amis avec moi, Et peut-être une petite part tous pour Cédric contre Romano. L'un des matchs de la soirée, ça sera à vivre tout à l'heure aux alentours de 22h dans le cours de l'émission également. On va parler préjugés et spiritisme, on parlera embrouille au bahut et plan A3 ou encore Snapchat et gangbang. Il y aura un collecteur de Patrick Le Pervers, le réveil de star de Kev Adams, le récap du top bug de Romano, la Suisse contre la France, on vit ça en direct, ça y est, c'est parti. Depuis 2 minutes, il y a 0-0, dès qu'il se passe quelque chose, on vous tient au courant, bien évidemment, et on va reparler des examens pour attaquer cette spéciale de Diffoul qui a déjà triché dans un examen. On en parle maintenant avec Diffoul, Romano, la Marie, Momo, Samy, Karim et Cédric le Belge. Bonne soirée à tous. Yo, yo. Donc Soso, on va parler de... Ah, c'est toi qui as triché au partiel, Soso. Eh bah c'est ouais, du c'est joli. Eh bah putain. Elle est belle la France. Et juste derrière, j'aurais. Sans se faire prendre et tout, hein. En plus. C'est du propre. Bravo. T'inquiète, on va te dénoncer, hein. Tu sais, il y a la police et on a eu des messages, là, qui nous écoutent. Il y a Elias aussi qui nous appelle de. Je sais pas où d'ailleurs. T'es où, Elias? À Paris. À Paris, Elias de Paris. Salut. T'as 18 ans et toi, t'as triché où, toi, Elias? Moi, la dernière année, j'ai triché au bac pro. Oh là là, faut pas faire ça. Ah ouais, putain, ça c'est officiel, violent. Quoi. Et oui. Alors, mais tu t'es. Tu savais les risques que tu prenais. Excuse-moi, Elias. Tu localises ou quoi? Romano a une question à te poser. C'était un bac pro quoi? C'est ça. Mécanique auto. Mais c'était quoi? T'as triché à la pratique ou à la. Non, en général, à l'histoire géo. Ah, parce que quand tu fais mécanique, tu fais histoire géo aussi. Ouais. D'où viennent les pneus, tout. Ouais. Historique des amortisseurs. Ouais. En quelle année a été créé le pot d'échappement? Exactement. Les premiers boulons, qui c'est qui les a inventés? C'est Monsieur Boulon. Et t'as triché? Ben alors, t'as triché comment? Explique-nous un peu. Bah, moi, j'ai fait la technique simple, hein. Je pense que tout le monde y connaît. J'ai pris les photos de mes cours. Ouais. J'ai vu quand le surveillant ne regardait pas trop. J'ai sorti mon téléphone, je l'ai mis dans ma trousse. J'ai fait défiler les photos de mes cours et j'ai recopié proprement. Mais un examen officiel, t'as ton téléphone sur toi, tu peux le garder. Ouais. Ah ouais, bah dis donc, moi je crois, ouais. Toujours entendu que non. Ah bah non, c'est que c'était interdit au bac, t'as moi j'ai pas eu moi. T'as pas eu ton téléphone? Ah non, mais non, moi c'était on rentrait dans la salle d'examen. Tu dois poser ton sac à l'entrée sur le train. Tu gardes tes stylos que t'as besoin, si ouais, t'as besoin de plusieurs. Le sac, tout ça, on garde juste la trousse. Ah, et dans la trousse, t'as ah, mais moi, téléphone. Même la trousse, il y avait pas ah le ouais, moi, je crois que moi, j'avais même pas la trousse. Moi, je crois que, ouais, ou plusieurs, suivant les matières. Par exemple, tiens, en histoire géo, si t'as des trucs à colorier. Pas de trousse. Mais juste stylo, pas de trousse, rien, quoi. Ah non, mais pareil, ouais, pareil. Et tu as le droit à une bouteille d'eau, moi. Ouais, ouais, et un gâteau aussi. Ouais. C'est pour ça qu'il y en a qui conseillaient tout à l'heure le truc de marquer sur les bouteilles d'eau. Ouais, c'est mieux, ouais. Bon. Et donc, toi, t'as fait quoi? Donc, t'as regardé dans ton téléphone les cours que t'avais photographiés, ouais, en gros. Voilà, exactement. J'ai recopié après, sur le sujet, tout simplement. Et à aucun moment, tu t'es dit, putain, je vais me faire choper, ou t'as eu un gros stress, ou. Non, après, j'ai aidé les autres, parce que franchement, le surveillant que j'avais dans ma salle, il était cool, enfin. Je faisais pas attention quoi à ce qu'on faisait, donc j'ai pu donner des réponses à tout le monde. Ah, putain, t'as eu de la chance. Ah ouais, disons. Ah ouais, puis toi t'es sympa en plus, parce que déjà tu prends des risques pour toi, tu prends des risques pour les ouais, autres. Ouais, c'est ça. Tu es un peu le chevalier blanc. Il y a Naïla là qui nous dit, de toute façon, tricher ça sert à rien, puisque de toute façon tu comprends pas. C'est vrai, si tu pars dans le principe que l'école c'est là pour te faire apprendre des trucs, c'est vrai que ça sert à rien. Après, ouais, mais bon, on change pas des fois quand même. Et tu l'as pas eu au final. Ah, tu l'as pas eu. Par exemple, les dates. Ça peut être pratique, quoi. Ouais, bah quoi, quand tu fais de la mécanique, tu vas pas arriver vers. Ah non, là, ça c'est clair. Le pneu Michelin a été inventé. Non, mais ouais. Le 5 décembre 1930. Ouais, il va pas arriver 1515. Vous saviez que c'était Marignan. Allez, je vous change votre pneu. Eh ben voilà. Dans les copies en fond d'écran, ça marche pas mal. Il y a Maxence qui nous a proposé, qui nous propose ça, là, sur le Facebook de Sky, là. Mini feuille au fond de la trousse, dans le stylo 4 couleurs entre les jambes. Bah ouais, toi t'as plusieurs méthodes. Méthode de la règle classique mais efficace pour Guillaume. En espagnol en quatrième, j'avais les réponses sur la règle en fer, c'est pour Caroline. J'écrivais les réponses sur mon classeur. Je mettais la feuille par-dessus pour Paul. Me suis fait griller avec le livre sur les genoux. Ah ouais, toi tu sentais carrément ton. Ah, le bouquin, quoi. Sur les genoux, c'est qui s'est fait griller? Pierre. Ah tiens, regarde, Lilou, je suis prof stagiaire en anglais. Merci la Radio Libre, je vais pouvoir mieux surveiller les tricheurs. Ah merde. Hey, ah c'est ballot. Bien pratique, bien vu la Radio Libre. Un jour j'ai triché en anglais, j'avais mis ma copie au-dessus de mon anti-sèche. Et manque de chance, la prof est restée collée à côté de moi. Ouais, ça t'énerve, tu te dis putain, elle va bouger. Ouais, là tu peux rien faire. Au final tu passes l'heure à attendre que la meuf bouge. Mettre la feuille de cours en dessous de la première page transparente du cahier et le poser par terre. Message de Pauline, toi c'est carrément par terre. Y a Zortuf, il y a une fille dans ma classe qui écrit des antisèches en arabe. Et quand elle se fait choper, elle dit que c'est la tradition musulmane. Elle abandonne la religion. Ah ouais, c'est clair, ouais. Ah ben, non, mais c'est vrai que tu l'écris, ouais, genre. Vu que c'est ouais les lettres c'est pas pareil, le prof il a rien. Bon, à moins que tu tombes sur un prof qui parle, donc ouais, bah là t'es, ouais, t'es un peu dans la merde et qu'il le lit, pas qu'il le lit surtout, parce que bon, le parler Non mais c'est vrai, c'est pas mal ça. Anti-siège dans la manche, ouais. Au calme pour Théo, tout simplement. Et toi Soso, t'as triché pour les partiels, toi, tu nous as dit. Ouais, c'est ça. Vas-y, dis-le. Bah en fait, si tu veux, j'étais au fond de ma classe et il y avait son prof, mon prof qui était assis au bureau, il avait son Mac, il a mis les écouteurs, il a commencé à regarder une vidéo, si tu veux. Genre, moi, j'ai pas hésité, donc j'ai sorti le téléphone. C'est Google cool, traduction. C'est cool comme taf, en fait. Tu leur mets des devoirs tout le temps, et puis tu te regardes des films pendant... Ah, c'est ça. Non, mais ça dépend vachement des surveillants, parce que moi, je me souviens qu'au bac, autant j'avais des surveillants... quoi, c'est des profs d'autres bahuts, quoi. Y en a, ils tournaient non-stop, genre pendant 3 heures. Ouais, et y en a, ils restent, ils bougent, ils sont assis, ils lisent un bouquin, ils regardent à peine la classe, ouais, et tout ça. Après, ça dépend vachement sur qui tu tombes, quoi. Mais moi, je sais pas si vous allez me croire, mais moi, j'ai fait reset sur tout ce qui s'est passé pendant que je passais le bac, tellement que c'était un cauchemar pour moi. Ah, je me rappelle de rien. Ouais, si, moi, je me souvenais, et puis, le midi, on a le bistrot. Ah non, moi je me rappelle de rien. Ça me saoulait, quoi. Je me souviens que je m'étais fait chier, qu'il fallait que je parte au bout de 2 heures parce que tu pouvais partir au bout de 2 heures. Non, mais ouais, ça dépend des épreuves, ouais. Ah ouais. En fait, t'as le droit de sortir, t'as un temps minimum à rester dans la salle. Et donc, toi, Soso? Ouais, donc moi en fait, j'étais au fond de la classe. Genre, j'avais un texte à traduire en italien et j'ai pris Google Traduction, j'ai traduit le texte. Et genre, des fois, il me mettait la pression, il me lançait des regards, tu vois. Genre, pendant 10 secondes, il me fixait. Oui, j'étais en regard. Du coup, je bougeais plus. Là, tu devais te taper un gros stress quand même. Ah ouais, mon cœur là, boum boum boum. Et après, non, mais en plus, Google Traduction, c'est un peu de la merde. Ah non, mais ça traduit que de la merde, Google Traduction. Parce que ça traduit mot à mot. Et donc, genre, ouais, c'est un peu une expression. Le truc, ça veut rien dire. C'est pas du. Ouais, mais après, je regardais sur les feuilles d'à côté. Et... Oh bah, tranquille, tant qu'on y est. Ouais, tranquille, toi. C'est vrai que Google Traduction, c'est quand même bien de la merde. Donc, si tu veux traduire t'écris un truc. Bah, je sais pas s'il y a vraiment un truc qui traduit super bien, quoi. Bah, je crois que c'est le mieux. C'est le mieux, Google Traduction. Pour bien traduire. Ah, c'est le mieux. Et est-ce que ça t'a permis d'avoir ton examen, toi, Soso, Google Traduction? J'ai eu ce cours, mais pas les autres. Ah, donc tu t'es dit, putain, j'aurais dû tricher dans tous les cours quand même. Ouais, voilà. Et, mais bon, c'était le seul prof qui était un peu, tu vois, avec lequel je pouvais tricher. Ouais, parce que les autres, tu ouais, dis, tu peux pas le faire. Ouais, il y en a, c'est plus ouais, dangereux. Ouais, les autres, ils se lèvent, ils tournent et tout. Lui, il s'est pas levé à part pour donner des brouillons. Marie, cette fois. Bon, Soso, merci du coup de fil. En tout cas, fais gaffe, hein, là, ne trichez pas. Et du coup, c'est qu'après, genre. Allô ? Ouais, vas-y. Ouais, genre, après, une heure après, je l'ai croisé dans le tram. Et il souriait. Moi, je disais, ouais, je t'ai niqué. Ah, je t'ai bien baisé. Ok, Soso. C'est la spéciale du dimanche soir. Avec le meilleur de Difool sur Skyrock. T'es là, Sam ? Ouais, salut toute l'équipe. Salut Sam. Okay. Salut Samuel. Donc toi tu nous appelles parce que t'as fait du spiritisme, on en parlait. Alors toi t'as pas vu des esprits, t'as pas vu tout ça toi. J'ai fait le compte d'acheter une table de Ouija et depuis c'est quoi une table de Ouija. La table de Ouija, c'est la table en bois avec le... Ah ouais, les tout ça. Voilà, c'est une table pour faire du spiritisme et faire venir les esprits. Ah genre tu poses le verre dessus, le verre se déplace et forme des mots quoi. C'est ça. Non, c'est avec la flèche, la table de Ouija. Ah c'est quoi, oui. C'est genre t'as toutes les lettres, elles sont en les lettres de l'alphabet, t'as de 1 à 10 les numéros. Ouais, et puis c'est là que l'esprit t'écrit n'importe quoi, il te met un Z, après il te prend un Q, après il te met un T. Alors qu'est-ce que tu veux dire par Donc la table de Ouija, c'est la table pour faire venir les esprits. Je me suis réveillé avec des sales griffures dans le dos, on aurait dit un point américain, un griffe. Il m'a pris dans le dos, dans le ventre. J'ai des coups de griffure. Mais t'es sûr qu'il n'y a pas quelqu'un qui t'a marave pendant la nuit? Ouais, mais c'est hardcore. C'est ta meuf qui t'a dormi. Non, mais ça va pas. C'est bizarre. Il a pas inventé les griffures. Moi, je te dis que c'est ta meuf. Tu dors tout seul, toi, Samuel, la nuit? Non, moi, je suis tout seul. Ça fait 4 mois que je suis plus avec ma copine. T'as pas un chat? 4 jours que j'ai fait cette séance. Et depuis 4 jours, c'est le bordel. Un chat, peut-être. Non, mais ou toi, tu peux te gratter aussi de griffer. Non, mais c'est, oui, mais t'as pas des griffes à la place des ongles. Ouais, c'est pas va te griffer, va te griffer dans le dos, Marie. Bah, j'ai déjà fait toute seule. Oui, mais la nuit, tu crois que tu fais ça? C'est un peu complexe. Marie, non. Elle le fait, oui. Ouais. Elle est bourrée. Tu parles d'un truc, t'as été griffé, donc t'étais griffé où? J'ai eu dans le dos, dans le ventre. On a fait une séance de spiritisme. On était au 9e étage. Le verre. Je l'ai balancé du 9e étage. Le verre, il a rebondi sur du béton. Je l'ai encore, le verre. Il n'a pas cassé, il n'y a aucune fissure. Et t'avais bu quoi? C'est chelou. Ah, Marie, non, tout de suite. Rien du tout. Marie veut savoir ce que tu avais. C'est chelou, toi. T'avais pas fumé non plus? Non, mais je fume pas, je bois pas, et je suis allé à l'hôpital. Et même à l'hôpital, ils m'ont posé des questions, si je me suis pas battu ou quoi que ce soit, rien du tout. Ouais. Non, mais parfois, il arrive, regardez, je voulais vous montrer un truc. Regarde, Marie, ici. Ouais. Ici, là. Oui. Bon, rien. Bon, Romano, regarde, toi, là, ici. Ouais, non, mais ça se voit moins, mais c'est vrai que t'avais un bobo. Voilà, moi aussi, il m'arrive de me griffer pendant la nuit, ça m'arrive. Ouais, mais moi aussi. Non, mais ça arrive. Moi, par exemple, je me gratte au sang, tu vois. Alors, Samuel, sache que les verres en plastique ne se cassent pas, nous dit Romain de Chicago. Bonjour, Romain de Chicago. Quand tu as acheté ton verre, c'était peut-être un verre en plastique. Ouais, c'est exact. Non. Parce que là, tout va bien. Le verre, je l'avais. Il s'est cassé. Je peux vous envoyer les photos. J'ai la moitié de mon tatouage qui a été effacé. Hein? Ouais, alors là, il faut vraiment nous envoyer les photos. Envoie les photos avant et après. Tu sais comment on fait pour le téléachat, là? Ouais, pareil, avant, ouais. Après, quand t'achètes un truc pour maigrir. Mais c'est le mec qui a pas fini, non? Parce que c'est donc, quand même bizarre. Un tatouage. Est-ce que tu es sûr que ton tatoueur l'a fini, le tatouage? Mon tatoueur, il a fini le tatouage. J'ai été tatoué sur le deux bras. Genre, sur un bras, il y a écrit ceux qui ne tuent pas, sur l'autre en plus fort. Et au niveau du bras gauche, la moitié du tatouage, il a été effacé à coup de griffures et on le voit pratiquement. Ah, il a pas disparu, ouais, il y a des griffures dessus. Ouais, il y a des croûtes par-dessus, quoi. Parce que là, je me disais, putain, le verre, déjà, j'ai du mal à y croire du 9e étage. Bon, l'histoire du verre en plastique, ça m'a rassuré. Et après, par contre, le tatouage qui disparaît, ouais, alors sous les griffures, peut-être. Moi aussi, je me griffe grave la nuit, je sais pas pourquoi. Bah c'est peut-être comme Rano, t'es peut-être allergique. Bah ça m'arrive aussi moi. Ouais, mais des fois la nuit tu te grattes sans t'en rendre compte. Moi c'est les pouces. J'ai des pouces. Ah bah ouais, bah ça oui, c'est. Ah les puces, mais oui, c'est terrible ça. C'est vrai les puces. T'as pas des puces chez toi, Samuel? Très bonne idée. Non. T'es en train de péter les fonds. Oui, on l'a entendu. Mais d'ailleurs, ce qui est même étonnant, c'est qu'à l'hôpital, il était libéré. Libéré. C'est-à-dire qu'il t'est laissé repartir comme ça, dans cet état-là. Il y a Sabia qui dit qu'il faut appeler un exorciste. Un exorciste. Un exorciste. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. Je pense qu'il surtout faut aller faire une petite cure dans un hôpital spécialisé. Bah ouais. Non, mais alors, attendez, détrompez-vous, parce que ça y est, les messages arrivent. Les messages de soutien pour Samuel. C'est possible. C'est un esprit malfaisant qui attaque en griffant, nous dit Eddy, 20 ans. On nous dit aussi, bon, l'eczéma, c'est vu. Ah, Sab qui nous fait, c'est les genounes. Tiens, viens voir. Ah, t'es genouné, man. C'est les genounes, les griffures, la nuit. C'est ça, gros, c'est les genoux. Qu'est-ce que les genoux. C'est ça. T'as oublié des lettres. C'est un genou. C'est un genou à la fin. Voilà, moi j'ai un beau jean Levi's. Moi, un diesel. Joli. Non, diesel. Diesel, ah, excuse-moi Cédric. Voilà, j'ai un jean diesel. Il y a Maximum qui dort avec des gants en soie pour pas se gratter en fait. Et comme les enfants, comme les bébés, tu sais. Et tu sais que c'est pas con, mais on fait ça pour les chiens. Tu sais, quand ils arrêtent pas de se gratter, on leur et met. Pour les bébés aussi. On leur met un truc là, comment ça s'appelle? Ah ouais, la bajour là. Une collerette. Voilà, une collerette, ouais. Il se tomitille la nuit, c'est juste dû au cauchemar. Il a eu très peur, nous dit Lilou. Il ne serait pas un peu bizarre, ce jeune homme? Non, pas du tout. Écoutez, il est possédé, votre pote, nous dit Mehdi, qui s'inquiète, Mehdi du 69. Salut à toi, big up Mehdi là. Non, mais écoutez, ça, peut-être que ça peut arriver si vous pensez avoir une explication rationnelle ou pas d'ailleurs. Ouais. Vous pouvez nous envoyer vos messages, je vous attends. Faut appeler un psychiatre, nous dit Goldweed. Donc on va lancer un appel. Tu voudrais savoir s'il y a déjà des gens qui ont fait comme toi et qui ont vécu à peu près ce que tu as vécu, toi, Sam. Voilà, c'est ça. Très bien. Parce que même par rapport à mon travail, je vais pas vous mentir, moi je suis à l'armée. Eh ben putain, c'est rassurant. Il va y avoir une guerre, parce qu'on est bien barré avec tout ça. Non mais il y en a plein qui nous ont dit ça. J'ai déjà fait du spiritisme, ça m'a déjà arrivé, le verre qui se casse pas. Ah, tu vois, Titoun, qui a déjà testé le truc. Non mais des fois ça peut arriver, c'est inverse, tout dépend comment tu te fais tomber. Ça vous est jamais arrivé chez vous, même sur du carrelage, le verre il tombe et bizarrement. Il rebondit, ouais. Ouais, je sais pas, il tombe dans une certaine position et il se casse pas. Ouais, moi j'en ai cassé plein, mais alors chaque fois qu'ils ont tombé, ils ont été cassés. Après bon, ça dépend peut-être la qualité du verre. La vérité est ailleurs. Il est mal, le man, nous dit le string de Marie qui nous écoute. Salut à toi le string de Marie, nouvel auditeur de Skyrock que je salue, big up à toi. J'ai une explication, c'est tout simplement une maladie, tu es malade, vent à HP, qui c'est qui nous envoie le message? Ça c'est ceux qui y croient pas, c'est Lobotomix, 18 ans, salut à toi Lobotomix. Mais à l'hôpital ils t'ont pris pour un taré, il a bien vu que j'étais pas fou. Ah non, mais à l'hôpital ils se sont bien rendu compte que t'étais pas normal. Non mais moi j'ai eu un psychologue qui est venu me voir. Non mais c'est un psychiatre qu'il fallait. Comme tu y vas, on va. Non mais c'est vrai, tu sais, non mais je me mets à la place du médecin. Il y a un mec qui arrive, il t'explique, ouais, j'ai fait les esprits. Regardez, je suis tout griffé. Là, le mec, je me dis, ouais, bah, attendez, deux minutes, bougez pas. On va t'attaquer. Déjà, je vais vous mettre dans une pièce spéciale. Avec des murs mous. Et je vais aller chercher la personne qui s'occupe des cas comme vous. Non, mais ouais, moi, je suis médecin, je me dis, ouais, le mec, il a deux, trois soucis quand même. Bah, écoute, Romano, tu dis ça alors que t'as déjà entendu dans l'émission, Satan est déjà venu nous rendre visite, donc, les gens qui y croient pas, tout ça, etc., les Romano, les machins, moi, je vous dis, écoutez l'émission et ça vous changerait peut-être. J'y viens directement au studio de Skyrock. Non, vous verrez bien. Refusez. Bon. On sait jamais. Et Romano est possédé. Non, je pensais à ma carte bleue. Ah, bah. Ah, ça, ouais, encore. Ah, tu vois, c'est peut-être un truc d'un esprit, comme ça. L'esprit de la carte bleue. Ah, merde. Bon, alors. Je suis. Satan! Ah, Satan. Vous voyez ce que je vous disais? Enfin, elle arrive. Oui, je galérais à remonter les sous-sols, là. Tu connais Samuel, Satan? Mais oui, je l'ai griffé toute la nuit. Je connais pas Satan, moi. Gris. Samuel, il flippe, là. Je te griffe, Satan. Gris. Le chétan avec ses sabots bizarres, là. Il est là, le chétan avec ses sabots bizarres. Et j'ai des cornes, oui. Bon, écoute, Samuel, reste là, si on a des nouvelles là-dessus, tu nous fais signe. Est-ce que le chétan peut me faire une dédicace? On demande Célie Chou. Salut, Célie Chou. Oui, Célie Chou, je te maudis. C'est sympa, la dédicace. Tu vois, tu voulais une petite dédicace. Ah bah, c'est une dédicace de Satan. Hein. Tu l'avais avec nous. Il m'a fait trop peur, Romano, quand il fait Satan, c'est le message du démon. Je ne suis pas Romano. Je ne suis pas chaud. Satan, il est pas chauve. Non, j'ai des cornes. Ah oui, c'est vrai, il a des cornes. Et tu vas te faire des cornes, Romano, dis donc. Oui, bah. Attends. Hop, oui, je vais faire des cornes. Oui, non, mais c'est des cornes, t'as de Romano. T'as de la place, tout ça. Qu'est-ce qu'il y a, Karim? T'es tout blanc. Bonjour. Ah non, moi. Bonjour, Karim. Salam alaikum. Hey, Starfala. Bon, Samuel, quitte pas, et puis si on a des nouvelles, on te fait signe. La spéciale du dimanche soir, le meilleur de Difool. What the fuck? Jusqu'à minuit sur Skyrock. Le double appel, dans quelques secondes, on prépare le double appel, l'arrivée de Sophia également. Sophia, il lui arrive un truc un petit peu particulier. Elle excite tous ses potes, elle les rend complètement dingue, sans faire exprès. On se met tout ça juste après la nouvelle de Jul, qu'on écoute tout de suite. Jul, le Marseillais avec Emotion dans la spéciale de Difool. Après t'avoir offert plus de 200 places pour l'Euro 2016, Skyrock et le Crédit Agricole continuent d'offrir des places pour assister aux demi et finales de l'Euro 2016. Skyrock! Rendez-vous tous les matins entre 6h et 9h. Money show. Et gagne tes places pour les matchs de l'Euro 2016. Skyrock! Crédit Agricole, partenaire national de l'Euro 2016. Skyrock est premier sur le foot, bien sûr! Champion, mon frère! Hey Steph, tu connais la différence entre une fille? T'en as pas marre des blagues, sérieux? Bah je m'entraîne, c'est pour le concours IAX. Le concours IAX? Bah ouais, il y a deux séjours au Maroc à gagner pour le IAX le plus marrant. Sérieux? Non mais je vais aller télécharger IAX, moi aussi je veux partir au soleil. En plus, vu le niveau de tes blagues... Vas-y, promis, si je gagne, je t'offre le deuxième billet. Télécharge IAX, publie un IAX vraiment drôle et pars en vacances avec IAX, YAX. Avec Pepsi et Lipton, c'est la Quick Cup dans les restaurants Quick. Repart avec un ballon de foot pour seulement 5 euros à l'achat d'un menu XL. But ! Quick, un goût de légende. Cup égale coupe. Offre valable du 30 mai au 11 juillet 2016. Liste des restaurants participants sur quick.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Yo, la spéciale de Tifoul. 21h minuit sur Skyrock. Du mal à sortir mes émotions. Joue l'embolie de 4 motions. Du mal à sortir mes émotions. Joue l'embolie de 4 motions. Je rêve de thunes de voyage. J'en ai besoin vu mon âge. Prenez des shorts dans le bagage. On va changer de paysage. D'être dans la lune puis sur terre. Je vois les oiseaux s'envoler. On dit souvent que c'est les gens plus bas que terre qui seraient prêts à tout donner. Je suis trop fort de caractère. Comme mes potes qu'on incarcère. Pour stress j'y mets du mien. Je vous attends devant la mer. Trop souvent je me questionne. Est-ce que ma musique est bonne? Où sont passés les hommes? Les vrais faut que je les raisonne. Je fais ce que je peux pour mes potos. Et ils font ce qu'ils peuvent pour moi. À tout moment je peux sauter. Je prends la vie comme un tournoi. Tu veux t'évader, partir de là. Alors imagine-moi. Je pense même plus à verser des larmes. Je fais que ta vie comme un chinois. J'envoie des sons. Nager dans l'eau, faut pas qu'on me laisse seul, je suis parano, faut pas qu'on me laisse, même par amour. La mise est fraîche, je suis parano, elle a fait des mèches, je suis parano, parano, parano. Du mal à sortir mes émotions, je roule en bolide 4 motion. Du mal à sortir mes émotions, je roule en bolide 4 motion. Joule, le Marseillais sur Skyrock. Et Joule, seulement sur Skyrock. Ça sera demain soir entre 20h et 21h. Et tout au long de la semaine, Joule, il est assez rare en interview. On est super content. Il a choisi Skyrock pour vous présenter son tout nouvel album qui porte le nom du titre qu'on vient d'écouter. Donc à pas louper dès demain avec Fredo. Et tout au long de la semaine dans Planète Rap, ça se passe sur Skyrock, 20h, 21h. Ça se passe sur Skyrock également. Le double appel que vous retrouvez maintenant dans la spéciale de Difool est juste derrière Sophia. Sophia, elle excite tous ses potes. Vous la retrouvez avec Difool, Romano, Lamarie, Momo, Samy, Karim et Cédric. Allô. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Ah ben, c'est vous qui avez qu'à appeler. Le double appel de Difool sur Skyrock. Hein? Ah. Ça va. Oui. Qui? Viens, viens mon frère. Oui. Comprends. Il vous appelle pas? Bah. C'est vous qui m'appelle. Voilà. Non mais. Mais moi j'appelle pas, je sais pas qui vous êtes, faut se calmer là. Vous êtes ma gueule là? Eh ben moi aussi, pareil, ça fait deux fois que ça sonne, je réponds et il y a personne au bout du fil, donc je suis comme vous. Vous êtes d'où? Mais nous n'avons pas bien entendu. Oui? Oui, mais il y a un problème, là. Vous êtes de quelle région? Vous êtes d'où? Ouais, tu es un tulle. Il faut que tu t'encules, là. Tu es un tulle, là. Pas il faut que tu t'encules. C'est quoi, cette blague? vous êtes de quelle région? De Tulle. T'encules, là. De Tulle? Oui. Ah, alors on est trois, hein. Apparemment on est trois sur la même ligne, là. Moi, j'ai pas appelé, j'ai appelé personne, et là... moi non plus. J'ai appelé personne. Et là, c'est mon domicile. Voilà, et je réponds au téléphone, tout simplement, et je tombe sur vous deux qui vous engueulez. Et moi, c'est pareil, j'ai appelé personne. Oui, excusez-moi. Non, mais il n'y a pas de mal, parce qu'on n'y peut rien. Apparemment, il y a un gros bug, là. Je sais pas ce qui se passe sur la ligne téléphonique. Moi, je suis SFR, vous aussi? Comment? Vous avez une ligne quoi, France Télécom? Oui. Ouais, moi, je suis SFR. Et vous, la troisième personne? Oh, ben, moi, je sais rien. Et il est où, le troisième? Et t'es comment, ta chatte est comment, là? Ah, voilà. En voilà un troisième. Ma chatte est comment? D'accord, on commence à comprendre. Là, je suis bien en train de branler. Ouais, d'accord, ouais. Super. Patrick. Patrick, c'est Patrick. C'est Patrick à l'appareil. Ouais, ça va. C'est Patrick à l'appareil. Vous vous foutez de ma gueule, là? Ouais, ouais. Absolument, ouais. C'est qui? Ah ben, voilà. Allez. C'est bon, on va raccrocher. Champion, mon frère. Champion. Hey. Vous foutez de ma gueule. Ah, le TCV. Un cul. Là, on comprend la moitié des mots. Un cul. Donc, ouais, en effet, c'est vrai, ils étaient trois. C'était presque un triple appel, puisque Patrick est venu s'immiscer là-dedans. Et je remercie également les joueurs du PSG, toujours prêts à nous aider quand on a besoin d'eux. Merci les gars, merci le PSG. Champion, mon frère. Ouais, c'est ça. C'est bien, ça crispe Samy à chaque fois, mais sinon, moi, je trouve ça cool. Ça va. Ça va. Ah, saloperie, va. Ça va. Ça va. C'est la spéciale du dimanche soir, avec le meilleur de Difool sur Skyrock. What the fuck? Ça va, Sophia? Allô? Oui, ah. Sophia, comment vas-tu? Salut, ça va? Salut, et toi, bien? Ouais, très bien. Bon, alors, Sophia, on va te retrouver dans un instant, parce que tu as un petit surnom. Enfin, un petit surnom, je sais pas s'ils t'appellent comme ça tes potes, mais t'as un petit surnom. Non, ils m'appellent pas comme ça. Bah, en tout cas, ils te disent que. Oh, bah, on va tout dire, allez. Eh ben, en fait, ils me disent que je ressemble à une chienne. Oh putain, c'est. C'est sympa. Au standard, t'avais dit à Samy que t'avais. Un autre surnom, mais dans le même style, c'était. C'était quoi? Pute, j'avais dit. Ah. Pute. Tête de pute. Ah ouais, c'est sympa aussi. Non, mais ça. Tête de pute, c'est abusé, quoi. Mais oh, c'est mignon. Mais pourquoi ils disent ça? C'est facile à apporter. Ouais. C'est cool. Pourquoi ils disent ça? Eh ben en fait, je sais pas, ils me disent que c'est ce que je dégage. Et c'est vrai qu'il y a des filles, des fois, quand on les voit, on a l'impression qu'elles ont des têtes d'actrices. Ouais, ouais, c'est vrai, ouais, ouais, c'est vrai. Vrai, c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'il y a des. Eh ben moi, c'est exactement ça. Et c'est vrai qu'il y a des meufs qui ont des têtes de. Et à aimer la bite, quoi. Exactement. Bah écoute, il vaut mieux ça que comme la copine de Marie qui se fait. Qu'on appelle tête de gorée, hein. Ah, ça, ouais. Mais ça ne le sait pas. L'autre, elle a une tête de truie. Oui, c'est sûr, mais bon, au quotidien, c'est relou, quoi. Ouais, non, mais ouais, ouais je comprends. Oui. Chienne, ah ouais. Et le pire, c'est quand même pute. Tête de pute. Il a dit quoi? Non, mais chienne, déjà, c'est difficile, ouais. Mais alors pute, c'est encore chaud, pire, quoi. Comme surnom. J'avais peur d'utiliser le mot, en fait, que ce soit trop vulgaire. Non, oh, putain. Ouais, c'est, tu nous as choqués, mais bon, ah ouais, on va s'en remettre, t'inquiète pas. T'inquiète. Mais est-ce que tu t'habilles comme une pute ou une chienne, ou c'est juste le. Pas du tout, je m'habille comme la plupart des filles, normalement, c'est vraiment au niveau du visage, quoi. Bon, après, j'ai des jolies formes, mais c'est plus le visage. Mais t'as pas une photo qu'on voit? Ouais, non, mais c'est vraiment purement. Mais ta chatte, elle est comment? Ta chatte, non, j'ai demandé une photo du visage pour le moment. Ouais, non, uniquement. Mais tu sais. Pardon, vas-y. Ouais, non, et de toute façon, c'est ton visage. C'est quoi? T'as des lèvres genre suceuses? Ah ouais, ou lèvres, un genre pas, là des lèvres de suceuses. Non, mais. Moi, personnellement, je trouve que j'ai des jolies lèvres, mais c'est bouche vrai que. Bouche à pipe, ouais. Ouais, c'est ça, bouche à pipe. T'es un Skyrock, c'est bien. À ce point-là, pas comme l'autre, là, qui fait les anges de la télé-réalité. Boustiflore. Ouais. Ouais, c'est Amélie, elle. Non, c'est pas Amélie. Aurélie. Ouais, c'est tellement d'escarres qu'on perd le prénom. Non, mais tant mieux, parce qu'elle, ouais, elle a des lèvres, c'est pas normal, oui. C'est plus en fait au niveau de l'attitude, au niveau du regard, quoi, qu'on me dit. Bah, écoute, c'est mieux, je te dis, c'est mieux que tête de gorée, mais enfin, c'est pas super quand même, tête mais de gorée. Du regard, c'est quoi, pas tu... super, non. Surtout au niveau, en fait, au niveau de mon boulot, parce que je travaille avec beaucoup de mecs, je fais un métier un peu masculin. Et je vraiment, suis escort girl. Ah non, non. Mais tu t'habilles comment? Tu t'habilles pas en. Pas non, Marie, elle ne l'a dit. Rien du tout. Non, non, non, mais le truc qu'il y a, c'est que si t'es quasiment, la seule meuf dans une boîte de mecs, forcément, les mecs, ils ont tous la dalle. Ouais, et en plus, c'est si pas qu'au travail. Et en plus, si t'es plutôt mignonne, forcément, ouais, les mecs, ils sont tous sur toi, quoi. Mais c'est pas qu'au travail. Le problème, c'est que quand tu fais des rencontres ou quoi que ce soit. Mais ils disent ça aussi. Je sens directement où ça veut aller, en fait. Ah ouais, ils veulent te ken, quoi. Dans ta bouche. Ouais, mais bon, ça, c'est les mecs, hein. Mais est-ce que dans la vraie vie, comme t'as dit, genre, je suis pute, genre, t'es une chienne un peu dans la vraie vie? C'est tellement joliment demandé. La question de En plus, c'est laissé de prendre des pincettes. Un mec délicat un peu. Bon, et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi, Sophia? Eh ben, en fait, je voulais savoir s'il y avait des filles qui étaient dans le même cas que moi et comment elles le vivaient, comment elles géraient ça, quoi. Parce que moi, c'est pas évident, en fait. En tout cas, les auditeurs de Sky, ils sont sympas avec toi parce qu'ils sont pleins de nous dire que tu as une super voix, elle a une voix charmante pour Kenzo. Ah, c'est gentil. Salut Kenzo. Magnifique voix, en tout cas, l'auditrice qui dit qu'elle est chienne. Non. T'as pas dit que t'étais chienne, non. T'as dit qu'on te traitait de, etc. Après, il y en a, ils vont envoyer une voix chienne. Momo de Limoges qui nous fait, oh là là, non, oh là là là là, elle a une voix de salope. Oh. C'est sympa. Il manquait plus que ça, tiens. Mais tu sais, Sophia, à Marseille, on dit un truc souvent sur des meufs comme toi. C'est elles ont les yeux qui sentent le cul, tu vois. Mmh. Et moi, je pense que ça vient du regard, en fait. Voilà, moi, c'est ma bite qui sent le cul. Quand j'en parle avec mes potes et tout, ils me disent c'est tes yeux, c'est ta façon de regarder, c'est la forme de tes yeux. T'as les yeux qui traînent un peu, qui, tu vois, t'as les réflexes. Mais le pire, c'est que c'est même pas volontaire, c'est même pas. Mais les gens t'en vivent avec le regard qui bouge. Ouais, mais t'as les yeux foutus comme ça, quoi, oui. Bah oui, c'est pas ta faute, hein. Ouais. Bah ouais. C'est comme Boustiflor, sa bouche, elle est naturelle. Non, je pense pas. Elle, par contre. Elle, c'est sa faute. Elle est pas naturelle. Mais c'est quoi, genre, t'as une bouche un peu à la Angelina Jolie? Ouais, c'est une bouche pulpeuse, mais c'est quoi. C'est joli. Bah, vaut mieux ça joli, plutôt que de pas avoir de lèvres. Eh ben, moi, j'achète. Non, mais tu sais, il y a des meufs. C'est joli, c'est bien, mais quand ça passe à cause des préjudices au quotidien, c'est relou, quoi. Bah oui. Parce qu'on n'est pas forcément une chienne et qu'on nous prend pour une chienne au premier abord. Mais oui, c'est ça. Et puis il y en a qui cassent bien leur jeu, on dirait pas, et pourtant. Mais celles-là, c'est les meilleures. Bah voilà, c'est ça. Parce que j'ai des copines à moi qui ressemblent, qui sont normales et qui font pas chienne, mais c'est des grosses chaudasses. Bon, quoi. Bah t'es pas normale non plus, Sophia. Donc dites-nous les filles, 41759skyrock.fm, si on vous a déjà. Ou si vous avez des copines comme ça, les gars. Ou ah les bah filles, tiens, il y a Christelle, là, sa sœur. Ouais. Ma sœur, elle a des yeux de biatch. Tout le monde lui dit. Bah, tu salues ta sœur. Ouais, c'est Cristal, 15 ans. Bisous, Cristal. Reste avec nous. La spéciale du dimanche soir, le meilleur de Difool. What the fuck? Jusqu'à minuit sur Skyrock. Le retour de Sophia d'ici à 22h, l'arrivée de Kylian de Saint-Etienne également, qui a eu une grosse embrouille au bahut. C'est juste après la nouvelle de Soprano qu'on écoute maintenant. Soprano, le diable, ne s'habille plus en Prada. Avant ma chute, j'étais vraiment riche et heureux. J'étais le plus grand conseiller des hommes, même en haut lieu. On faisait appel à mes services pour prendre malheureux. Monsieur, tout le monde signait avec moi en fermant les yeux. Sur terre, le péché est un business fructueux. Je faisais mon chiffre en vendant le désir et le feu. Oui, le malheur des uns fait le bonheur du plus véreux. J'offrais le pouvoir au portefeuille du plus généreux. Mais l'époque a changé. L'époque a changé. Les hommes n'ont plus besoin de moi. Oui, l'époque a changé. L'époque a changé. J'ai tout perdu depuis que les hommes font bien pire que moi. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait les poches, lui ont pris sa femme et ses gosses. Il n'a plus d'emprise sur le globe depuis qu'on lui a pris son job. Non, le diable s'habille plus en Prada. Monsieur, les hommes d'aujourd'hui ont dépassé tous mes vœux. Certains exercent leur folie meurtrière au nom de Dieu. Le pétrole est une raison légitime pour mettre le feu. Certains pays rétrécissent, mais bon, restons silencieux. Malgré sa richesse, l'Afrique a toujours un creux. La télé m'a volé l'éducation de leur morveux. Internet brûle les neurones beaucoup plus que la bœuf. L'enfer n'est plus chez moi, mais bel et bien chez vous, monsieur. Mais l'époque a changé. L'époque a changé. Les hommes n'ont plus besoin de moi. Oui, l'époque a changé. L'époque a changé. J'ai tout perdu depuis que les hommes font bien pire que moi. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait les poches. Lui ont pris sa femme et ses bosses. Il n'a plus d'emprise sur le globe depuis qu'on lui a pris son job. Oui, l'élève a dépassé. dépasser son maître. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'enfer est bien plus gros sur terre. Depuis que les hommes font pire que Lucifer. Oui, l'élève. Spécial de 21h minuit sur Skyrock. Alors, qu'est-ce qui t'arrive, Kylian? Ah oui, parce que tu nous as pas dit pourquoi tu nous appelais, toi. Alors, je vous appelle parce que j'ai une embrouille au collège avec un gamin. Enfin, pas vraiment un gamin, il a un an de plus que moi, il est en 3e et moi j'ai retapé ma 4e. D'accord. Et il me balançait des cailloux dessus, bah aujourd'hui. Pourquoi il te balançait des cailloux comme dessus? Comme ça. Je sais pas, c'est un teubé, il est, je sais pas. Mais... C'est un teubé, t'es à quel bahut, toi? À Beno. À Beno. Beno. Donc, Beno. Ok. Et donc, le gars, il y a quand même, il y a pas une raison pour laquelle il te balançait des cailloux. Non, mais parce qu'en début d'année, je l'avais attrapé, je l'avais réglé, enfin, je lui avais mis un gros coup de pression. Ouais. Et je crois qu'il a pas compris, il continue toujours, vu que je suis nouveau dans le collège. Non, mais il te provoque un peu, quoi. Ah ouais, tracage sur le nouveau. Ouais, voilà, il me cherche. Et, est-ce qu'il t'a trouvé à un moment? Bah oui, il m'a trouvé aujourd'hui. Est-ce que tu l'as pas tâté, man? Si, il m'a trouvé aujourd'hui. Ouais, mais t'as trouvé, c'est quoi? Tu lui as pété la gueule? T'embrouillé? Tu lui as mis des patates? Bah, genre, il m'a balancé des pierres dessus, je lui ai dit nique ta mère. Voilà, ça part. Il a continué, je me suis levé du banc, je suis allé vers lui et je lui ai mis une droite. Ah ouais. Et là, il s'est mis à pleurer et tout, genre, il faisait le mec énervé et tout. Mais il a pleuré genre crise de nerfs ou pleuré genre mesquine? Je sais pas, il faisait nerveux, il tapait dans les murs après. Ah, il était énervé. Ah, il était zaaf, ouais. Donc, il a fait une crise de nerfs et il s'est mis à pleurer en faisant une crise de nerfs. Comme Romano quand il a cassé son ordinateur. Ouais, bah moi j'étais tout seul. Et après il m'a dit c'était un problème, bah viens à la sortie, donc moi j'y suis allé, j'ai fait péter une heure de colle juste pour sa gueule, voilà, je voulais lui montrer qui je suis. C'est comme ça Saint-Étienne quand on balance c'est des pierres. Ghetto, c'est le ghetto Saint-Étienne. Mais quand il te balançait des pierres, c'était des pierres de quelle taille? Des petits cailloux, ah, des petits graviers? Je sais pas, elle devait faire 5 cm. Ah quand même. Ah, ouais, tu t'apportes dans la gueule quoi, ouais, ça te calme. Tu la sens, et ça c'est sûr. Et je lui ai mis une tarte et après je lui ai fait c'est bon, barre-toi de là. Mmh. Il est parti et bah tout à l'heure il y a son frère, il doit avoir 25 ans aux alentours, il m'a envoyé un message sur Facebook, il m'a dit après le frère de 25 ans il m'a envoyé un message, il m'a dit t'as fait mon frère, donc moi je vais faire le fou avec toi, donc demain à 4h30 au parc du commissariat. Oh bah c'est bien, ça va, il y aura les keufs à côté. Donc tu préviens les keufs en même temps, tu leur dis, il y a un gars qui vient au parc du commissariat tout à l'heure. Non, puis il a l'air intelligent à 25 ans. Non mais le frère, il est complètement con de donner rendez-vous au commissariat. Ah, en ça. Plus, ouais. Bah il est de famille, c'est obligé. C'est là, c'est de famille. S'il nous écoute, ça va arranger les choses. Mais peut-être qu'il veut juste te parler en fait. Ouais, bon, enfin, c'est con. Je crois pas. Sa gueule, sinon tu dis, tu préfères pas dans le jardin de la gendarmerie? Dans le hall même. Oui. Donc, du coup, moi, je sais pas si j'y vais ou pas. Non, mais ça ne va pas, les mecs, les stands galèrent. En plus, si tu vas y aller, tu sais très bien qu'il va te tabasser. Donc, oui, sauf si t'as un gros frère. Moi, je me rabaisserai jamais devant quelqu'un. Il y a Willy qui nous dit. Oui, d'accord, mais bon. Tu sais, parfois, quand le mec est plus con que toi, faut le laisser faire, tu le laisses vivre sa vie. Willy qui nous dit, t'as pas un frère, toi aussi, qui est grand? Bah si, j'en ai un, il a peut-être un embrouille dans son frère. Non mais il a peut-être autre chose à foutre ton grand frère, non? Bah il est en détention en fait. Ah oui, donc bah, il va avoir du mal. Tu demandes une liberté conditionnelle, mais ça va pas pour demain, ça risque d'être chaud. Non mais puis c'est vrai, comme disait Marie, il y a 25 piges, franchement le mec il a pas autre chose à faire. Foutre, hein. Ouais. Non mais même toi, tu vois, plutôt que d'aller perdre, t'as autre chose à foutre demain à 16h. Bah demain à 16h, je suis surtout chez moi en fait. Bon bah tu restes chez toi tranquille. Voilà, tu restes chez toi tranquille. Non mais va, ou alors tu vas avec ton père, on nous dit là sur c'est qui envoie ça, c'est Toshi. Qu'il y aille avec son père. Non, mais tu vas pas. C'est le plus simple, tu vas pas mêler toute la famille pour une histoire de merde. Ouais, pour une embrouille à la con à cause de cailloux qui t'a jeté dessus. Ouais, voilà, j'ai pas ramené toute la famille juste pour un truc, tu vois. En plus, en ce moment, je suis en conflit avec mon père. Donc. Non, mais voilà, donc tu y vas pas, puis l'autre, il sera en galère sous la pluie. Il y a Flo, 19 ans, qui nous fait, il a raison, à Saint-Étienne, on baisse jamais la tête. Ouais, c'est des bonhommes, hein, et ça, ouais, c'est des gueudins. Genre. Tijani qui nous fait, vas-y avec des potes. Oui, mais bah, c'est ce que j'avais l'intention de faire. J'ai des potes de 18, 19 ans. Ouais, mais vous allez pas, bah, faire, voilà, une... non, vous allez pas faire une émeute urbaine à Firminy, les gars. Donc, il y a embrouille prévue demain avec le grand frère du mec que t'as pataté aujourd'hui parce qu'il te jetait des pierres. Mais surtout, patate si je vais pas, il va me traquer sur ça. Il va dire à tout le monde que je suis une tape et tout. Non, mais attends, le mec, c'est pas. Il est lui, il envoie son frère. C'est pas pire, non? Bah, ouais, exactement. De 25 ans en plus. Il a l'air fin aussi. Il dira mon frère. Au final, moi, le plus con, je... bon, c'est le frère. C'est ouais, le grand frère. C'est Cédric qui parle là. Oui. Éventuellement, si jamais que ce soit un vrai gueudin. Le mec de 25 ans, au final, pour moi, c'est le plus con dans l'histoire. Ah oui, je m'appelle Cédric le Belge. Bonjour, je suis le mec de 25 ans. Aïe, aïe. Bonjour, je t'en mets une, Romano. Non, mais c'est vrai, ça, moi je trouve ça fait pauvre mec, tu vois. Le mec il a 25 piges, qu'est-ce qu'il va se mettre dans une histoire de mec de 16 ou 17 ans, quoi. C'est vrai. Ouais, oui. À mon avis, il a dit ça pour faire le mec et tout, genre dans le parc en face du commissariat, genre moi j'ai pas peur. Ah ouais, tout. Genre le mec, tu crois, il fait le fou, quoi. Ouais. Il fait le fou dans sa tête. C'est ça. Moi je fais la folle. Salut les filles. Il avait une voiture de flic, il l'a cachée alors que c'est une club, c'est pas comme si c'était un joint. Oui. Il faut y aller ou pas y aller, hein, le rendez-vous baston, à la baston là, ouais. Du grand frère de 25 ans. C'est un grand frère de 25 ans, le frère d'un mec que t'as pataté aujourd'hui parce qu'il te cassait les couilles. Et parce qu'il te jetait des cailloux. Il te jetait des pierres comme ça. Poum, poum, poum. Et donc, lui, il a pris rendez-vous demain devant le commissariat. Enfin, moi, je dis porte tes couilles, man. Hein. Alors, je peux te donner les résultats qu'il y a. Je les fais tout le temps. Je les ai. Ah, Saint-Étienne, en plus, on a des grosses couilles. Ah, apparemment, ouais. Tiens, d'ailleurs, en parlant de porter ses couilles, il est où le Corse, là, qui était énervé? C'est Flo Dea, là, qui nous a laissé un message il y a un instant. J'ai vu le message qui nous expliquait qu'en Corse, c'était pas comme ça que ça se passait. Je trace dans le tas direct en Corse, on se laisse pas marcher dessus, donc lui il irait. J'y vais pas, c'est une perte de temps pour Clem. J'y vais, mais je ramène des potes pour Évouille. Elle a 17 ans, Évouille. Mais cool, ma chérie. Les tapettes qui ramènent les potes. Y'a quoi? Ah oui. Les tapettes. Mais j'y vais tout seul. Quand il va tout seul, contre un mec de 25 ans, il va te dérouiller la tête. Je m'en fous. Et Cédric, il a dû en prendre des patates dans les dents pour ressembler à ça. Demandez-lui. Les cheveux de Romano, tiens, qui viennent d'arriver. Non. Qui viennent de nous laisser un message. Alors. Non, je te jure que non, même pas. T'irais ou pas, Cédric? Ouais, il y a le grand frère et tout, c'est relou, tu vois. T'iras pas? Ah, tu perds tes couilles, toi? Non, je perdrai pas mes couilles, non, mais ça sert à rien. Non, mais cette histoire de couilles, c'est une connerie, hein. Je vous le dis, hein, c'est pas parce que tu vas te taper, que tu vas te faire casser la gueule, que t'as des couilles plus que quelqu'un qui va passer l'après-midi tranquille. Non, mais quand je te dis, tu vas jouer à la play, écouter Sky. Non, mais quand je te dis, tu perds tes couilles, c'est pas forcément t'y vas pour te battre. Ah. C'est genre, t'y vas, même tu fais acte de présence. Mais qu'est-ce que tu vas foutre avec un mec que tu connais même pas, qui est teubé, qui a 25 ans et qui te saute dessus? Voilà, s'il te saute dessus. Après, il te saute dessus et tu lui fais. Je te donne les résultats. Voilà. Excusez-moi, j'ai des crises de nerfs. Kylian, tu veux les résultats du sondage express qu'on a fait pour toi? Merci pour tous les votes. Sondage express. Vous avez voté comme des fous. Écoute bien, Kylian. D'après toi, les auditeurs de Skyrock, ils vont au rendez-vous du grand frère demain ou pas? Bah ouais, ils perdent pas leurs couilles, man. Ouais, ils y vont. Ouais, ils y vont. Eh ben, ils y vont pas. Ah ouais? Je n'y vais pas au rendez-vous du grand frère à 59%. J'y vais au rendez-vous du grand frère à 41%. Ah ouais. 59 contre 41. Donc, les auditeurs, vous avez autre chose à foutre. Ouais, vous avez bien raison. Que de vous emmerder avec ce genre d'histoire. Enfin bon, il y en a quand même 41% qui iraient. Bon, Kylian, fais autre chose demain après-midi. Je sais pas, avoir des potes, éclate-toi, joue à la play, ouais. Écoute du son. Pas de branler. Ouais, bah j'y branle pas bien, ouais. Eh, hey, vaut mieux passer une après-midi sur YouPorn que passer une après-midi à se faire démonter la gueule. J'ai déjà quelqu'un pour faire ça. T'as déjà quelqu'un? Bah écoute, va voir quelqu'un ou le quelqu'un qui peut. Non, quelqu'un, c'est une fille. Parce que les Stéphanois, je vous l'ai déjà dit, c'est des lovers. Ah ouais, des tombeurs. Va lover demain après-midi, Kylian. Prends-toi pas la tête avec le mec qui te veut te dans la tête. Ouais, ouais. Fais le beau gosse, emmène au lac Chambon. Voilà, exactement. Ouais. Non, au lac Grandjean. Ah oui, lac Grandjean. Bon, on t'embrasse, Kylian, et puis garde la pêche. Rappelle-nous quand tu veux. C'est la spéciale du dimanche soir avec le meilleur de Difool sur Skyrock. On vous a déjà dit que vous aviez une tête de chienne, les filles. Bon, on comprend que ça puisse te vexer, Sophia. Mais t'es pas toute seule. Il y en a qui nous disent c'est plutôt un compliment. Au mieux qu'on te dise que t'es une tête de chienne, que t'es une tête de moche, nous dit Vincent là sur SMS. Oui, c'est vrai, mais bon, il pourrait le dire d'une autre manière, quoi. C'est vrai. Ouais, alors, je m'étonne. On a qui? Zulika au téléphone avec nous. Elle est où? Bah, dans le 77. Salam l'équipe, ça va? Salam alikum. Salam alikum. Alors, t'as 21 ans et t'es où dans le 77, toi? À Melun. Alors, toi, Zulika, tu réagissais par rapport à Sophia. Tu t'es sentie concernée quand elle a témoigné tout à l'heure? Oui, par rapport au surnom. La pauvre, bon, elle, c'est grave. Moi, ça va physiquement. J'ai pas d'a priori. Moi, c'est par rapport à mon prénom parce que je porte un prénom qui est très, très ancien. Zulika. Voilà. Et genre, bah moi, je travaille en tant que caissière, un étudiant. Mmh. Et souvent, t'as les clients, malgré que sur mon badge, ils vont lire Zulika. Mmh. Ils vont dire Zubida. Ouais, je Zubida. Prends le prénom, elle. Zubida. Ah, Zubida, la caisse, là. Zubida. Ouais, la Zubida, là, tu viens? Bah, tu viens voir, là, j'arrive pas à porter mon pack d'eau, Zubida. Mais c'était Lagaffe qui avait fait une chanson qui s'appelait la Zubida. Zubida. Tu la connais, non? Ouais, ça me vient. Ouais, c'est chaud, ouais. Ouais, je crois que c'est ma tête, là, je sais pas, directement, bam, Zubida. Et ça te vexe ou pas? Sur le coup, ouais, parce que moi je le prends un peu mal, mais bon. Ouais, mais je crois que la blédardité elle est collée à moi. Non, mais c'est vrai que, ouais, au bout d'un moment c'est vexant, tu te dis, ouais, ça fait un peu blédard, quoi. Directement, non, mais puis t'as envie de dire, mais putain, c'est pas mon prénom, quoi. Oui, c'est vrai, ouais. Mais non, c'est surtout ça. Mais tu sais que moi, quand je suis arrivé ici à Skyrock, Laurent Bounot, le directeur des programmes, pendant je crois 2 ans, il m'appelait Mohamed. Mohamed, c'est pas Mohamed. Non, il y a un mec qui s'appelle Fab ici, il a appelé Franck de pendant au moins 5 ans, tu vois. Ah ouais, putain. Franck. Un jour, il y a quelqu'un qui dit, mais il n'y a pas de Franck ici. C'est qui Franck? Bah si, Franck, là, de Palais Trap. Mais non, il s'appelle Fab. Ah bon? Big up, Laurent. Bravo, Laurent. On a Nana aussi au téléphone qu'on va prendre avec nous, qui veut témoigner pour toi, Sophia, toi. Plein de monde. Salut, Nana. Salut. Salut. Salut, Nana. Alors, toi, t'as 29 ans, hein, Nana? Oui. Et alors, toi, ton petit surnom, c'est quoi? Ou ton... Oh, moi, j'en ai plein. Oh. J'ai Cougar. Cougar, à 29 ans? Ouais. Parce qu'en fait, mon ex était plus jeune que moi. Ah, d'accord. Cougar. C'est comme quand t'as un pote qui sort avec une nana plus jeune, enfin... Tu l'appelles pédo. Et tu l'appelles pédo. Salut, pédo. Après MILF, parce que je suis maman et MILF. En fait, je suis toujours comme avant, en fait, même avec une grossesse, donc c'est MILF. MILF, mother I like to fuck. Voilà, parce ça veut dire fait, maman que j'ai envie de baiser. Ouais, c'est voilà, ça, exactement. Et alors, ouais, vas-y. Et surtout que mon ex, en fait, vu que ça s'est mal passé, en fait, la séparation, il a balancé des photos de moi quand j'ai tout nu enceinte, en fait, oh, à des potes de moi. Oh, donc voilà. Et puis sinon, j'ai bouche à pipe. Ah, ça c'est ça. Ah bah voilà. Bah dis donc, t'as une belle panoplie. C'est la totale. Voilà, j'ai une panoplie. Cool. Ah ouais, t'as une belle collection de surnoms, dis donc. Voilà. Tu vois, bouche à pipe, on t'avait pas dit ça, Sophia. Non. Ah bah voilà. Mais moi ça me fait rire. Et hop. Alors ouais, justement, je voulais vous demander comment vous réagissiez. Donc toi, ça te fait plutôt rigoler. Moi ça me fait rire. Toi. C'est plutôt les copines de mes potes, en fait. Déjà, elles m'aiment pas. Pourquoi, je sais pas. Je pense que j'ai une tête qui leur vient pas, j'en sais pas. C'est je pense que c'est surtout aussi le fait que j'aime pas les filles. Enfin, c'est pas que j'aime pas les filles, mais je me sens mieux avec les garçons qu'avec les filles. Ouais, tu t'entends mieux avec les mecs qu'avec les filles, ouais. Ah oui, mais de toute façon, moi dans mon entourage, j'ai une copine fille, tout le reste c'est que des mecs. Donc je préfère me faire une soirée à regarder le foot, à boire de la bière que parler vernis, ça, maquillage cool. Et surtout à roter. Voilà, c'est ça. Allez, j'adore roter de la bière. Non. Par contre, je m'entendrais bien avec la Marie, parce que la Marie, elle picole. Ah ouais, en gros, t'es une alcoolique, toi aussi. Bah, moi, j'ai des copines qui picolent aussi. Je l'assume. Oh bah, il faut assumer au bout d'un moment. Hein. Mais sinon, je suis très fine, hein, mais j'aime pas parler maquillage, machin, ça me pince. Mais il y a plein de filles comme ça. Ouais, il y a plein de filles comme toi. Alors, en général, les filles, vous êtes plus dur que nous. C'est-à-dire que nous, on peut être pote avec des gars, vous pouvez être pote avec des filles, mais souvent, il y a des tensions. Hein. C'est un peu ouais, ah, ouais, moi, c'est j'ai vrai. Moi, j'ai perdu plein de potes à cause de ça, à cause de leur meuf. Hein. Mais pourquoi d'ailleurs, il y a des tensions entre vous, les filles? J'ai jamais compris ça. C'est la jalousie. Parce que elles sont jalouses en fait de la relation que tu as avec son mec. Parce que bah, moi, mes potes, c'est je tape des bas avec eux, je rigole. En plus, je suis très tactile, tout ça. Mais ça n'arrive pas. Ah, bah, oui, je suis restée 10 ans avec mon ex. C'était ses amis à lui, tout ça, enfin c'était nos potes à nous, il se serait jamais rien passé, mais elle c'était catégorique, c'était ah moi je l'aime pas, ceci, cela, machin, nanana, donc j'en ai perdu plein comme mais ça. C'est... Il y en a plein qui sont inquiets, voilà. Tiens, regardez, la Muse du Bain qui nous fait, moi tout de suite les filles, c'est une fille, hein, tout de suite les filles, c'est cucu, Ah bon? Et pourtant, c'est une fille qui le dit. Bon, après, mais les filles, c'est vrai, c'est cucu. Eh ben voilà, elle est un peu comme toi. Donc, faut rigoler, si j'ai bien compris. Ouais, comme ça, tu le vis bien. Ah oh, ouais, moi, je rigole, mais bon. C'est vrai que, bon, quand on est dans les bars, tout ça, ils m'appellent tout le temps, bouge à pipe! Ah ouais, devant tout le monde, c'est moi, quoi. Ah ouais, devant les gens et tout. Ah putain, j'ai la bonne bombe d'alcoolique de sortie. Bouge à pipe, va me chercher une binouze. Ouais, ça dépend. Des fois, c'est, Miss, viens là, ou petit cul, grosse bouche. Non, mais de toute façon, les surnoms aussi, ça dépend vachement de qui t'appelle comme ça. Si c'est quelqu'un que t'aimes pas, qui t'appelle par un surnom. Ah bah, ouais, je rentre dedans. Ah ouais, ça va tout de suite t'énerver, ouais. C'est forcé. Ah ouais, je rentre alors dedans. Alors que si c'est quelqu'un que t'aimes bien, bon, au final, tu t'y fais. Hein. Ah bah, tu vois, ouais, Manon. Mais Non, mais que dans les contacts de mes potes, de toute façon, c'est Mif, Cougar ou Bouche à Pipe. Bon, voilà, bah, trop maintenant, je t'appelais Chauve. Ouais, non, c'est bien. Hey, Chauve, ça va? Non, non. On va refaire les jingles, tout ça. On va refaire ouais, tout. Ouais, bah, Chauve super. Et sur Skyrock. Ouais, voilà. Chauve et sur Skyrock. Les conseils passeurs de Chauve. Ouais, ouais, bah, je vais prendre ma retraite, moi. Mais non, c'est dit pas que j'ai pris un alcool. T'es même bien. Oui, mais je veux pas. Non, non, mais je veux pas de ce surnom. Et on pourrait trouver un surnom pour tous les membres de l'équipe. Ouais. Moi, c'est Avrel, moi, c'est bon. Avrel, c'est bon, ça. Avrel, ouais, on t'a trouvé. Bon, bah, voilà, Sophia, t'es rassurée? Ouais. Tu te sens moins seul. Non, mais ce que tu peux faire, par contre, une petite idée qu'on nous a donnée là sur les messages. Merci les gars. D'ailleurs, c'est surtout une idée de gars, mais faut trouver une technique pour pouvoir leur répondre. Il y en a un qui t'appelle Bouche à Pipe. Tu le vexes avec un de ses défauts. Ouais. Tu leur trouves, un petit surnom ou un petit défaut. Je sais pas si, si tu connais par exemple quelqu'un de chauve. Bon, toi, on a trouvé. Mais en fait, non, quand il me dit ça, c'est parce que moi, je leur demande leur avis, en fait. C'est pas pour me tailler. Ah bah, arrête, alors. Même s'il me taille, un petit peu. Arrête de le. Mais c'est plus parce que moi je l'arrête. Ouais, mais t'es une relou, toi aussi, à toujours demander l'avis, quoi. Si t'arrives tous les jours dans ta boîte, ah non, me trouver comment? Est-ce que j'ai une bouche à pipe? Les mecs pourraient. À mes potes. Non, mais oui, à n'importe. Non, mais même à n'importe qui, si tous les jours t'es là, vous me trouvez comment? Forcément, pour te vanner, ils vont te dire, hey, t'es moche. Ah, putain, ouais, t'as doublé de volume, ou ça veut dire que tu vas sortir des saloperies, forcément. Tiens, avant c'était même pas question de vanne, en fait. C'était question. Qu'on me considère d'une certaine façon alors que je ne suis pas en fait, c'était plus ça. La justice, une fois de plus. L'injustice. Laissez-nous vos, vos petits surnoms, les surnoms que vous avez là. Il y a EAG, 15 ans, qui nous dit « Moi, on me surnomme Brace Cola parce que je supporte Guingamp. » Ah bah oui, c'est Brace Cola. Ah oui. J'ai un surnom pour Diff. Qu'est-ce que c'est ça? Cyrano de Bergerac, mort de rire, Zohir du 57. Mais c'est long, c'est original. Cyrano. Cyrano de... Et ça te fait rire, ça, toi. Léo, il est tout petit, on l'appelle le Minus. Moi, on m'appelle la Bouboule. Eh ben, écoute, c'est bien noté. Salut, Bouboule. Iron Mike, parce que je m'appelle Mike. Et Iron Man, Iron Mike. Ah, ah, pas ouais, mal, ouais. Ouais. Pas mal. La musulmane, moi, on m'appelle Bougnoul. Ça va. Bah, tiens, pas que tes amis doivent être un peu particuliers. Yaboul. Super. Sympa. Bon, on te fait un gros bisou. En tout cas, merci Nana aussi du témoignage. Hein. Bah, merci à vous. Merci à toi. La spéciale du dimanche soir, le meilleur de Difool. What the fuck? Jusqu'à minuit sur Skyrock. Et merci d'être là. Petite info footballistique à 0-0 à la mi-temps entre la France et la Suisse. Et je vous rappelle qu'on a des invites à vous offrir pour l'Euro 2016. Skyrock est le Crédit Agricole qui vous offre vos invites. On a encore des places à vous offrir pour les demi-finales et pour la finale. Vos invites, vous les gagnerez demain matin en écoutant le morning de Difool et tout au long de la semaine. Soyez à l'écoute, soyez au taquet. Ça se gagnera entre 6h et 9h. Au taquet également pour de l'inédit. Le super clash de la draft. On a pris des clashs de Cédric, des clashs de Romano, on les a mélangés. Ça nous fait un clash totalement inédit pour lequel vous allez pouvoir voter. C'est dans quelques secondes. On prépare également l'arrivée de SCH, SCH et son fameux tour en Ferrari avec Cédric et Romano. C'est juste après le son de Mike Posner qu'on écoute maintenant avec I Took a Pill in Ibiza dans la spéciale de Difool. Une seule radio est officiellement partenaire des concerts de Rihanna en France. Et c'est encore Skyrock. Hi, this is Rihanna and you're listening to Skyrock. Un mois avant le raz-de-marée Rihanna. Skyrock t'offre les dernières places de concert pour les 4 stades de Rihanna. Are you guys ready? Exclusive. Allianz Riviera de Nice le 15 juillet. Grand Stade de Lyon le 19. Stade Pierre-Mauroy de Lille le 23. Stade de France à Paris le 30 juillet. This is Rihanna. Rihanna, l'anti-world tour. Avec Big Sean en première partie. C'est 400 places. 400 places en exclu sur Skyrock pour voir Rihanna en concert. Skyrock. Écoute Skyrock et gagne tes places Rihanna à tout moment. Avec Oasis et Orangina, c'est la Quick Cup dans les restaurants Quick. Repars avec un ballon de foot pour seulement 5 euros à l'achat d'un menu XL. Vite ! Quick, un goût de légende. Cup égale coupe. Offre valable du 30 mai au 11 juillet 2016. Liste des restaurants participants sur quick.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Tous les soirs dès 21h. Difool est sur Skyrock. I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know what you're façon. A reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no. Cause as soon as the sun comes up, I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me, never really knowing why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage, stuck up on that stage singing. Oh, I know our sad souls, sad souls. Darling, oh, I know our sad souls, sad souls. Content de terminer le week-end avec vous le dimanche soir sur Skyrock. C'est le meilleur de Difool, c'est la spéciale, l'arrivée de SCH et le super clash de la drague totalement inédit à se faire maintenant sur Skyrock. Le principe du super clash, très très simple, on a pris des clashs de la drague de Cédric, des clashs de la drague de Romanon, on les a mélangés, ça nous fait un nouveau clash pour lequel vous allez pouvoir voter. Les deux derniers dimanches, Romano a complètement explosé Cédric avec des scores à plus de 80%. Cédric le Belge va-t-il réagir? Le super clash, on y va, c'est parti sur Skyrock dans la spéciale de Difool. Attention, attention, ils sont prêts à draguer tout ce qui bouge. Et quand on dit tout, c'est absolument tout. C'est le clash de la drague avec les deux meilleurs séducteurs au monde. Ouais, c'est parti. Clash de la drague, premier appel, il est pour toi, Cédric. Qui c'est qu'on appelle? Franck. C'est Franck. Allez, Francky. Allô? Allô? Ouais, Franck? Ouais, c'est qui? Ouais, bonsoir, comment vas-tu? C'est Michel. Dis-moi, je t'appelais ce soir là parce que j'ai des amis là qui sont venus de Marseille là pour une petite semaine. Et du coup, j'ai plus trop de place à la maison. Je voulais savoir si je pouvais pas venir squatter un petit peu chez toi. Michel, comment? Bah, je suis un de tes voisins, on se connaît pas encore, justement, on aurait pu apprendre à faire connaissance. Genre, je viens, je me pose dans ton lit ce soir pour une nuit ou deux, puis bah, tranquille, quoi. On se met bien après. C'est quoi ces conneries? Bah, c'est pas une connerie, j'ai des amis à la maison, ils sont trop, et puis bah, du coup, j'ai pas l'endroit où dormir, donc je me suis dit, tiens, je vais aller squatter chez Francky, puis je vais aller squatter un petit peu dans son lit avec sa femme. Ouais, bon, pas sur la gueule, tu veux la voir aussi? Bah, je peux venir tout de suite, à la limite. Ouais, je suis là, y a pas de souci. Ta femme, elle est à la maison? Ouais, ouais, connard. Bah écoute, je lui ferai bien l'amour ce soir. Ouais, pédé, vous. Ouais, parle bien, toi, il est fou, lui. Allô? Bien joué, Cédric. Ah bah voilà, tranquille, le mec qui m'attend, il va m'accueillir. Oui. Oui, bah, si tu veux, ouais. Avec une petite hagra. Par contre, pour l'amour avec la femme, c'est mal barré, je crois. Ouais, je crois aussi, ouais. Ouais, parce qu'il est jaloux, il veut pas que je m'occupe de sa femme, il veut que je m'occupe que de lui. Une petite hagra à la fin, ma gueule. C'est quoi ça, cette histoire d'hangar, monsieur Hakim? C'est pas un hangar, c'est de la hagra. C'est de la hagra. Et lui, c'est Karim, lui. Bon, Romano, à toi. Ah, c'est qui? Karine. Karine, mais Michael. Allô? Oui, là, forcément. Allô, Karine, Michael. Ça vous amuse? Ça vous amuse de faire ça? Bah ouais, à mort. Ouais, c'est bien. Tu peux me passer Michael, parce que t'as l'air à bout de nerfs, ma chérie. Bah non, pas du tout, puis tu m'appelles pas ma chérie, d'accord, parce que je suis pas ta chérie. Bah, de toute façon, sache que mon mari, il est flic, donc je peux te le passer, y'a pas de souci. Bah moi, tu sais, j'ai pas peur. T'as pas peur? Mais eh ben, tu sais quoi, franchement, viens, là, fais ta vie ailleurs, et puis elle va appeler d'autres cons, d'accord? Ah, bah, d'autres cons, bah, c'est gentil pour toi. Manque ça à foutre, hein, ma franchement. Chérie, là, je te préviens. Je vais venir, moi. Je te préviens. Je viens. Je te préviens. Tu rappelles encore une fois, mon mari, il est flic. Il va directement te voir. C'est d'accord. Clair? D'accord. Mais je voulais venir, moi, directement. Ouais, bah, essaye de venir, tu vas voir ce qui va se passer. Mais tu veux pas me le passer, s'il te plaît? Pas du tout, va te coucher, sale con. Non, non, bah, je vais me coucher avec toi, ma chérie. Ça, c'est la répartie, quoi. Il reste deux familles pour le dernier tour. Ouais, bien sûr, on peut. Allez, deux familles pour le dernier tour. Faut pas que vous restiez sur un échec tous les deux. Vous êtes tellement, tellement exceptionnel. Bah, t'es resté sur un échec, regarde là. Non, non, mais moi, tranquille, j'ai fait un serrage, gros. Il a fait espèce de con, dernier. Non, mais le dernier. Ah, le dernier, ouais, c'est pas grave, tranquille. Allez, termine en beauté, Cédric. Ouais, vas-y. Toutes tes capacités, et on sait qu'elles sont nombreuses. Allez. Allez, c'est parti. Allez. On va chez qui ? William. William, comme la poire, Cédric. Ouais, ouais, je sais. Wallah. Allô ? Allô, William ? Oui. Ouais, bonsoir, comment vas-tu ? Bah, ça va. Bon, nickel, dis-moi, j'ai une bonne nouvelle, ta femme, elle est à la maison ? Oui. Parce qu'elle a été tirée au sort, là, elle a gagné le gros lot pour ce soir. Ah bon ? Ouais, ouais, bah ouais, elle a gagné une nuit de folie avec moi-même. Oh, c'est magnifique, hein. Donc, je voulais me pointer, là, dans 5 minutes. Ah, bah, c'est parfait. Elle sera prête ou pas ? Ah bah, pour sûr. Bah, ok, s'épile un petit peu, un peu de parfum, puis moi j'arrive avec une boîte de capote et puis on fait l'amour toute la nuit. Ah oh, bah alors là, nickel. Magnifique. Bon, bah, génial. Tu veux participer ? Ouais, bah écoute, pourquoi pas, hein. Bon, mon string léopard. Ah bah génial, on va se faire un petit truc à trois alors. Oh, ce mec. Bah ouais. Bah, ça tombe bien d'ailleurs, j'ai des amis avec moi. Ah bah, ça tombe bien. Ah bah, on pourra faire. Hein, vous êtes combien ? Eh, bah là, on est deux potes plus un chien, donc tu vois, bah, c'est nickel, comme ça on peut même faire de la zoophilie. Ah, le chien, on va le mettre de côté, on va s'occuper de tes deux potes. Donc on fait un petit truc à 5 alors. Ah ouais, ouais. Eh bah, nickel. Eh bah, on se fait une petite partie à 5, d'accord ? Eh bah, écoute, c'est magnifique. Hein. Bon, Romano, dernier coup de fil, c'est parti. Et là, chez Louis pour toi, Romano. C'est Romano chez Louis. Louis, ouais. Bonne chance, Romano, avec Louis. Allô, Louis ? Allô, oui. Mais oui. Pourquoi ? Allô, Louis. Allô ? C'est quoi ? C'est pour parler à Louis. Oui, mais c'est... Qui c'est que vous êtes ? Bah, je suis Jean-Louis, moi. Jean-Louis ? Le voisin du bout de la rue, là. C'est pour quoi ? Bah, c'est pour lui proposer un petit truc. Bah, c'est pas vous... Vous avez pas déjà appelé l'autre fois, non ? Ah non, pas du tout, non. Ah. Je sais pas, c'est toujours toi. C'est marrant comme ils parlent entre eux, c'est qu'ils disent des mots, mais ils sont les seuls à les comprendre. Allô, Louis ? Moi, je viens pour voir toi. Ouais, comment tu vas ? C'est l'appareil. Ah ben, c'est Jean-Louis, l'appareil. Jean-Louis. Eh, Jean-Louis, Jean-Louis David, le coiffeur du centre-ville, là. Ah, bah, attends. Centre-ville. David. Je vous connais pas, moi. Ah, ben, oui. Mais en fait, ça te dérange pas, Louis, si ce soir je t'emprunte ta femme pour aller au club échangiste ? Une petite deuxième jeunesse et hop, un petit coup dans le pot, comme on dit. Bah, tu peux me la repasser ? Un coup dans la chatte, un coup dans le pot. Allô, tu peux me repasser ta femme ? Elle est partie. Ah, bah, elle est partie se préparer pour la soirée, c'est ça ? Ouais. Ouais. Bon, bah, je passe la prendre dans 5-10 minutes, là. Ouais. Et puis, je te la ramène demain matin. Tu t'inquiètes pas, demain matin, elle marchera plus droit, mais c'est normal. Hein. Ouais, pour sortir. Ah, il va lui demander en plus. Ah ouais, j'ai demandé pour sortir au club échangiste. Ah ouais. Ouais, vas-y, je prends mon rappel maintenant. Ouais. Tu prends maintenant, tu peux garder pour le deuxième coup. Hein. Bah, il y avait la femme, elle était sympa. Il faut que je. Ah, trop tard, elle a demandé là. Ouais, bah, de toute façon, c'est parti, mon kiki là. C'est parti, ça sonne. Bon, de toute façon, si je le nique, il fallait bien que je le nique à un moment ou à un autre, quoi. Ah, bah là, c'est maintenant. Là, ça a l'air bien parti d'ailleurs. Pour que je... Ça sonne. Quatre sonneries, on fait comme. Ah, non, il est là. Allô ? Oui, c'est quoi ? Ah, bah, je t'emmène au club, ça y est, Louis est d'accord. Hein. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, on va aller faire l'amour au club échangiste. Ouais, c'est ça, tu iras faire l'amour à l'estique tes vœux. Ah bah, t'as pas nous emmerder comme ça longtemps. Le conduit, ça te déponne à 10h du soir. Hein, comment ça va, Timo Biloute ? Oui, c'est ça, oui, au revoir. Ah. Allez, je t'emmène au club. C'est la spéciale du dimanche soir. Avec le meilleur de Difool sur Skyrock. Qui va gagner ? Qui va l'emporter ? Qui va gagner ce super clash de la drague ? On a mélangé des clashs de Cédric contre des clashs de Romano. Il y a déjà le poteau du 95 qui vote pour la team Romano. La team Romano en Forge Chana de Paris, elle vote également pour Romano. Le loco, voilà, lui vote pour Cédric. Donc, bah, c'est à vous de voter, hein. À vous de jouer. Les deux derniers clashs du dimanche soir ont été largement remportés par Romano. Qui va gagner ce soir ? C'est parti, top vote. Il est 22h02. Je rappelle comment faire pour voter. Pour tous les nouveaux auditeurs, vous pouvez le faire depuis votre smartphone. Il y a l'appli Skyrock qui fonctionne. Il y a une petite enveloppe qui est tout en haut à droite de l'appli. Vous envoyez votre message dans le studio. Vous mettez Cédric ou Romano. Vous pouvez voter par SMS. C'est le 41 759 via le net. C'est skyrock.fm. Et puis depuis Twitter également, il y a moyen de tweeter votre vote avec le hashtag la spéciale de Difool. Vous mettez Cédric ou Romano. Cassie qui vote pour Romano. Hero Mano qui vote pour Romano. Tim le Belge depuis Moscou qui vote pour Cédric. Faites tout péter, Cédric ou Romano. L'appli Skyrock est le 41-7-5-9. On vous dit qui a gagné dans moins d'une demi-heure. La spéciale de Difool qui continue, on vous l'avait promis. Le voilà, l'arrivée de SCH maintenant avec Difool Romano, la Marie, Momo, Samy, Karim et Cédric le Belge. grand SCH avec Coucou. Nous. Qui arrive, comment vas-tu? Ça va? Qui arrive avec toute la famille derrière. Salut SCH. Bien, ça va? Ah, je vois que tu sais que Romano a été militaire, tu lui fais un salut militaire. Romano est chaud. Parce qu'il est habillé en kaki. Romano est chaud. En plus, tu es habillé en kaki pour rendre hommage à Romano ce soir. Bon, ça nous fait plaisir de te recevoir pour la deuxième fois de l'année. Et là, c'est pour Anarchie. Et Anarchie, c'est le grand jour. Ah ouais? The D-Day. Ouais, il est dans les bacs, il est disponible de partout. Ça y est, partout. Dans les bacs, sur. J'invite tous mes scélérats à aller se le procurer. On voulait d'ailleurs saluer les scélérats qui nous écoutent ce soir. Ouais, bah, tous les scélérats qui m'écoutent. Amis scélérats, soyez les bienvenus. Vous-même, vous êtes les bienvenus. Merci. Et puis, j'espère que vous avez pécho Anarchie. Ouais, et sinon, il faut le pécho. Hein. Anarchie, gros album. Faut que tu me fasses une petite dédicace pour une auditrice de Skyrock qui m'a appelé mais toute la semaine et qu'on a dit que SCH y venait. J'ai reçu, je sais pas, 100 mails. Elle s'appelle Valentine, elle a 18 ans. Elle ne lâche rien. Et elle ne lâche rien. Elle est fan de toi. Bah alors, je passe une big dédicace à Valentine. Voilà, Valentine de Saint-Etienne. Bon anniversaire, Valentine. Bon anniversaire, oui. Voilà, et c'est l'Anarchie cette année. Ah, et t'es premier sur iTunes. Hein. Évidemment qu'il est premier. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. Bien joué, bravo. Ça fait plaisir. Effectivement. Ouais. Effectivement. On stresse un petit peu avant la sortie d'un album ou toi, non, même c'est toi, vrai, tu c'est stresses. Comme si t'es une meuf et que t'allais accoucher, t'as vu? T'as d'accord, t'as accouché. À ce point? Non, mais c'est de la bonne pression. Ça y est, ce que je veux dire. Il a perdu les os, ça y est. C'est de la. Il a posé, là, ça y est. Tu veux me faire, ça y est, tu commences. Ouais, Karim, c'est lui. En vrai, ouais, tu as une pression, c'est sûr. En plus, avec ce qu'on a fait sur A7. Forcément, je suis plus attendu faut faire à la mieux, critique, oui. Ouais. Je suis plus attendu à la critique, tout ça. La pression. Et voilà, ouais, la presse, mais presse, ça va, là, c'est bon, ça redescend, vu que c'est sorti, ça fait du bien. Bon, et puis nous, on a de quoi te détendre. Tu te rappelles, la dernière fois, on avait parlé voiture. Yes. J'avais posé une question, je t'ai demandé, est-ce que t'aimes les belles bagnoles et tout, et toi, tu m'avais fait, mais con, se dit fou, là. Évidemment, tout le monde aime les belles voitures. Tout le monde aime les belles voitures. Tu te rappelles? Eh bien, on n'a pas oublié. Ah, on t'a amené une 4L en bas, là. 4L décapotable. 4L ou 2 chevaux au choix. Si merde les mecs, j'étais en recherche d'une 4L en plus. Ah bah écoute, celle-ci elle est vintage collector, hein. Il n'existe plus. Quelle couleur elle est? Elle est bariolée un peu. Ouais, rose un peu. Ouais, rose. On a fait un truc joli. Hein. Stylé, quoi. Non, mais tu sais qu'on fait les choses en bien, en grand et bien sur Skyrock. On a prévu pour toi, dans un instant, elle arrive la Ferrari. Ouais, t'inquiète. On a fait venir une Ferrari ce soir. Tout pour toi. Mais miniature. Non. Pour la sortie de l'album, ouais. Vous êtes des ouf. On s'est dit l'album. Comment on pourrait faire pour faire plaisir à SCH? Bah ouais. C'est une location, hein. Ah, elle est louée alors. Ouais. Je peux pas la prendre. elle est louée. Bon, après, tu te démerdes. Après, ils vont confirmer la légende. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, une petite Ferrari qui t'attend en bas là. Ah ouais, vous êtes archi chaud. On va faire un tour sur les Champs-Élysées. Ouais, vous êtes chaud les mecs, on va faire ça. Hein. Allez, on se fait un petit tour sur les Champs-Élysées. Donc, pas en 4L. Hein. Si vous voyez une 4L, ce sera pas SCH. Non, ça sera pas SCH. En fait, il y a des chances que. Tu as vu, là, je vais à Orléans en fait ce soir en showcase, donc il y a des chances que je revienne pas. D'accord. Mais que je m'en aille à mon showcase avec. Moi, ça me dérange pas du tout. C'est Cédric qui a mis sa carte bleue. Et tu sais combien il a de caution? Elle a caution, je dis-moi. 20 000 euros. 20 000 balles. Ah, bah, c'est cool, je vais pouvoir. Bah, déjà pour payer la caution, c'est cool. Des rétros, tout ça. Vas-y, oui. Cédric, il commence à être inquiet. Il y a les trottoirs des Champs-Élysées aussi. Non, mais c'est vrai, vous êtes. Non, c'est vrai. Non, mais si, voilà, sérieux. Non, mais sérieux, hein. Non mais elle arrive. Non mais SCH, il sait qu'on fait plein de conneries dans l'émission et qu'on dit plein de conneries. Mais non, mais parfois on est sérieux. Et là on est sérieux. Ah non, quand on fait un cadeau comme ça, on va pas te décevoir. Non, c'est une vraie dans laquelle tu peux monter, c'est pas un truc majorette. Non mais attends qu'elle arrive. Ouais, j'ai du mal à. Ah putain, ils vont me ramener une féfée. Tu sais, elles qui ont les petites là. Ouais, voilà. Non mais si on voulait. Féfée à pédale, tu sais, pour les enfants. Là. Bah celle de Romano. Parce que Romano il rentre dans une féfée à pédale. Ah bah ouais, largement. Bon, la Ferrari, donc elle arrive. Pour SCH, si vous êtes du côté des Champs-Élysées, si vous voyez une Ferrari arriver d'ici, allez, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, il y aura peut-être SCH dedans. On mettra Champs-Élysées à fond la caisse. Ah bah ouais. Comme ça va, faites attention. Bon, quoi qu'on remarque, c'est le poteau qui a mis la caution, donc ça va, c'est bon, c'est cool. C'est cool. S'il y en a qui veulent faire un constat, s'il y en a qui veulent se refaire, je serai en préfet, je crois, bientôt. Bon, on oublie quoi. Le mec, j'annule. Bon, on vous envoie dans le. Tu veux prendre qui avec toi dans la Ferrari, Cédric? Je vais prendre qui avec moi dans la Ferrari? C'est vrai que j'ai mis la CB déjà. Donc. Non, je crois que je vais prendre mes deux couilles hein, déjà. Avec déjà, moi. Ouais. Non, chez Hop. Bon, prends Marie. Je prends Marie. Elle te suce pendant que tu conduis. Non, hey, tu vas te détendre, toi, connard. Bah, attends, Marie, c'est la sortie de l'album de DCH. Il faut donner de son le corps. Thème, c'est l'anarchie. Prends Marie, on va ramasser de la meuf sur les champs, t'inquiète. Ah ouais, voilà. T'as raison. Mais attends, t'as le permis ou pas, gros, déjà? Oh,

au Maroc, à Casa, à Marrakech. C'est sympa, cet été. Qui va cet été, c'est des petites vacances. Ouais, ouais, cool, en Espagne, on va faire le sud. C'est bizarre, fait, t'as tout compris. T'as bien raison. C'est tu vas pas en Alaska. L'été, c'est que le sud. Il faut bien joindre l'utile à l'agréable. Non, mais c'est clair. Hein. Hein, t'as raison. Mais on est d'accord avec toi. Et on va joindre l'utile à l'agréable. T'es avec nous ce soir en direct sur Skyrock. Et sur Skyrock, on vous aimerait bien un petit Champs-Élysées. Ouais, et je crois que pendant ce temps, la voiture arrive. Wow. Ça arrive. La Ferrari arrive. C'est vrai qu'il est parti en courant là, donc c'est que la voiture ne doit pas être loin. Allons-y alors. Ou alors il est allé au chiottes. Enfin, ou alors elle est déjà sur le toit parce qu'il y a une galère dans la rue. C'est Féfé sur les champs. Et c'est loué. Ah putain. Et ouais. Alors on se fait le Champs-Élysées live. Ouais, c'est yes. Bon. C'est moi qui ai le truc. Ouais. Vas-y Romano, fais péter le son. On voit le son. C'est SCH sur Skyrock. On voulait un live dans l'émission et un live d'SCH. Yes, il y a DJ Romano qui va me backer. Ouais. Ouais, c'est ça, moi je vais faire pas louer. Allez, c'est bon, on y va. Pas louer. Ah ou. C'est SCH sur Sky dans la radio libre. 19. Quoi? Anarchie, ça sort aujourd'hui. Numéro 1 sur iTunes. Ah oui. Merci DJ Romano. Oh. Hey, les petits sont meurs, la VC dure. Suffit pas de le dire. Assis sur un mur, voir l'avenir. Bloqué dans l'obscur, heureux dans la mer. J'suis pas là, pédévole. À la star des autres, j'suis sur le temps. T'es en quête, je lave, j'suis en guerre. J'appuie, pay, bitch, crame. Chacune son coup, deux putes dans le même lit. Le M, on a les mêmes goûts, Shorty Hood. Un bon siège cuir baquet, un fer couleur nacré, hey, la way. Oh. Comme sur les champs, je l'ai pas loué. Pas loué. Elle est pas montée, qu'elle est déjà mouillée. Bah ouais. Elle a avoué. Bah ouais. Fais sur les champs, pas loué. Sur les champs, pas loué. Pas loué. La part sur les champs, je l'ai pas loué. J'suis plus sur tes côtes, pas méchante. Elle veut m'amadouer. Hein. En suçant tous mes potes, y'a pas de méthode. Mon son partout, hein. J'suis sur écoute, c'est les rats, followers. On est en vie, rassurez-vous. Bonne drogue, vrais hommes, pas stoppés par l'épuisement. On a de l'argent et mes potos sont plus stoppés par leurs pigments. T'as capté? Fuck le monde des mondains, on revient de loin, si loin. Aujourd'hui on rentre en. Sur les champs, mais pas loué. Elle est pas montée, qu'elle est déjà mouillée. Bah ouais, elle a avoué. Fifi sur les champs, pas loué. C'est pas loué. À part sur les champs, pas loué. Qu'un doigt pour mes haters. Jalouse, elle me dit wesh, est-ce qu'on s'appelle? Après 9h, j'attends quand même depuis hier. Tu sais, j'ai mes envies moi aussi. Ah ouais. Tu penses arriver pour quelle heure? Hein? J'ai sorti la ruine Ardifrère. Ah ouais. Emmène-moi tout en haut de la tour Eiffel. J'ai pas le temps pour ces conneries. Fais juste ton job, je te paye après. Coque dans un petit paquet. C'est Marseille bébé. Bah, bel homme, c'est la guerre en bas, on va pas ramper. Je sais que tu sais que je sais. Non? Si. Alors appelle-moi plus tard, la chiant. Rameau sur les champs, j'ai pas loué. Elle est montée, qu'elle est déjà mouillée. Bah ouais. Fifi sur les champs, pas loué. À part sur les champs, pas loué. Gamo sur les champs, pas loué. Enfin, il paraît que ce soit. Pas loué. Bah ouais. Pas monté qu'elle est déjà mouillée. Bah ouais. Bah ouais. Fifi sur les champs, pas loué. C'est sûr, à l'échange, je l'ai pas loué. Pas loué. J'ai pas mis le doigt. Qu'elle est déjà mouillée. Et voilà le live, ouais, le live de la radio libre sur Skyrock. SCH sur Sky. Ce soir, ah ouais. Même, hein. Ah, c'était bien. Ouais, oh, c'était quand même que ce soir, c'est loué. Eh, c'est loué ce soir, ouais. Oui. Ouais, c'est loué. La féfé sur les champs, elle va être louée, là. Bon, la féfé sur les champs. Alors, non, on va la retrouver. Donc, ce qu'on va faire, on va descendre. Attends, Cédric, tu es là? Cédric, est-ce que t'es prêt? On va retrouver Cédric en direct de devant la radio d'ici quelques instants. En bon, Cédric est en bas, je ne sais pas si elle est arrivée, il faut que quelqu'un descende. Il arrive avec sa Ferrari. Attends, quand même, c'est la sortie de l'album. C'est pas tous les jours. T'inquiète, à la fin, on te présente la facture. Ça pas le cadeau. Ça, c'est les cadeaux de Romano. C'est un cadeau de Romano. Faut toujours qu'il fasse payer. Bon, on va faire juste avant la féfé, juste avant Cédric, on va faire un petit tour de l'équipe. Si vous avez une question à poser, moi j'ai les questions que vous nous avez posées. Regarde tous les messages qu'on a reçus là. J'en ai une partie, une autre partie Une grosse pile de. Tout ça c'est pour toi. Il y a une question qui revient souvent, c'est avec qui tu comptes faire des duos prochainement. Avec qui je compte faire des duos prochainement? Écoute, pour l'instant je compte laisser vivre un petit peu Anarchie. Bah oui. Et puis on va me retrouver dans certains projets avec qui j'ai collaboré. Sur le projet de Niska qui sort le 3 juin, Zifukuro. Ouais. Et puis je veux pas en dévoiler plus parce que ces potos avec qui j'ai fait des sons ne veulent pas dévoiler maintenant leur featuring. Donc je leur passe un salut. Mais voilà, je vais apparaître dans certains projets. Donc le S avec Niska. Ouais. Donc ça, c'est une question qui revenait souvent. Marie, une question pour SCH. Bah, je sais pas, mais justement, on parlait de thunes depuis que t'es connu. Y a pas des potes qui gravitent autour de toi et qui essaient de te gratter, par exemple? Bah franchement ça aurait pu vraiment, mais on est resté quand même assez dans notre univers à nous. Je dirais pas fermé en vérité. Je dirais pas fermé, mais tu sais quand on rencontre des gens, on sait mettre les distances, je pense. Ouais, ouais. Pour pas que ça, tu vois, que ça devienne. Ouais, c'est plus compliqué après. Ouais, ouais, parce qu'après ça devient compliqué. Ah, mais après voilà, je suis pas gavé, chérie. Hein. Attends, ça arrive. Je veux pas d'Airbus ou tu vois. Alors, attends, mais tu vas avoir une Ferrari dans un instant. Qui arrive, ouais. Cédric, où est la voiture? Alors Cédric, elle est là. Elle arrive dans 2 minutes. Tiens, on nous pose une question. T'es allé tourner dans un quartier de Naples. Yes. La Scampia. Yes. C'est le quartier où a été tourné Gomorra, la série. Yes, il y a la saison 2 d'ailleurs qui est. T'as déjà vu la saison 2? Ça est disponible, j'ai reçu là les épisodes. Ah, j'ai pas vu non plus. Par un collègue à moi. Il est sorti en Italie, ça y est. En France, pas encore. Il est sorti en Italie et j'ai reçu la VO. Il y a les 5 premiers épisodes. J'ai reçu la VO des premiers. Premiers épisodes de Gomorra. Je vais pouvoir me pencher dessus ce week-end, je pense. La Scampia, c'est le gros quartier mafieux, on peut l'appeler comme ça, c'est ça. Hein. Le quartier tenu par la mafia, quartier chaud de Naples. C'est un quartier qui a une mauvaise réputation, on va dire. Ouais, quand t'es allé là-bas, comment tu t'es senti? Est-ce que t'as senti une pression? Est-ce que tu t'es dit, oh là, il y a Don Diego qui va arriver? Qui va me fumer? En vrai, je pense que c'est quand même aussi comme Marseille. Je pense c'est une ville qui est victime des clichés, encore une fois, t'as vu? C'est une légende. Moi, quand je suis arrivé là-bas, je me suis pas senti vraiment dépaysé. Mis à part, bien sûr, le décor, parce que Joli à Naples. Hein. C'est joli, mais c'est paradoxal parce que c'est tellement là. C'est un petit peu la merde, t'as vu dans. Bah, en gros, c'est un quartier de misère dans un endroit super joli avec la mer à côté, le Vésuve pas loin. C'est fou, c'est carrément fou. Mm. Mais c'est ça m'a fait penser un petit peu à ma ville. C'est comme Marseille. Et du coup. Non, on s'est pas senti dépaysé, on a été super bien accueillis. Tu parles italien? Hein? Non, je parle pas un brin italien, on était avec deux homologues en fait. Come stai? Bene. Je vais me piéger. Voilà. Il y a un italien d'ailleurs qui pose sur ton album, il s'appelle Sfera. Yes. Samy, question de Marseillais à un autre Marseillais. Non, savoir si tu as eu là avec l'album qui sort et tout, est-ce que tu as le temps quand même d'être à Marseille un peu ou... Ben moins, de moins en moins, mais. C'est ça que je me demandais, tu vois. Écoute, j'y vais quand j'ai rien de prévu en vérité. Là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses de prévues, parce qu'il y avait. La promo de l'album. C'est la partie promo, tu vois. Après, quand je vais avoir plus que les clubs et. Tu auras le temps de redescendre. Et l'écriture, tout ça, je vais pouvoir. Et est-ce que maintenant que tu as vu que ça porte un peu tout ton son, est-ce que à Marseille tu es plus reconnu, tu sens, ou ça reste pépère? Écoute, c'est plutôt. Moi, je suis. Tu sais, quand je suis à Marseille, je suis au Jackson parce que j'y suis tranquille, justement. Ça fait un petit moment que je suis pas allé. Je suis pas descendu à Saint-Fé au-delà de midi parce qu'après c'est l'heure de pointe. Après il y a trop de monde. Ça veut dire que tu peux me croiser à Saint-Fé le matin. Ah, ça va. Voilà, mais moi quand je vais faire les cours, j'y vais le matin. D'ailleurs, c'est le seul Marseillais qui est réveillé le matin parce que les Marseillais avant midi, il y a personne. C'est ce qu'on dit sur l'avenir et les gens à qui il appartient. Ah, ceux qui se lèvent tôt. Voilà. Merde, tu es le seul. Je pense que c'est une bonne parole en vérité. Et non, mais voilà, ouais, j'ai pas trop le temps de descendre, mais là je vais pouvoir. Les prochains jours. Et après, un autre truc, pardon, mais c'est pas une question. Ça commence à faire beaucoup, Samy. Hein. Non, mais oui, parce que t'avais une question par personne, là t'en as pris trois. Comme tu as chanté là, la voix posée et tout, et ben moi je kiffe comme ça, moi. Ah ouais? Ouais, plus que quand c'est un peu travaillé. Maintenant, Samy est directeur artistique. Non, pas, je te donne, ça, je sais pas si on t'a déjà dit. Mais non, j'aime bien la voix grave ça, posée. Ça vous fait une autre version en vrai. Ouais, et ben, moi je trouve ça stylé. Elle est partout la version. C'est méchant. En tout cas, il y a plein de messages en tout cas sur le live que tu nous as fait sur l'album, album de fou pour Valentin SCH, 21 ans. Tu déchires SCH, c'est pour les cheveux de Romano. Je vous ai dit d'arrêter de parler de cheveux. Et de carte bancaire. Ça le met à bout de nerfs. Je salue également la carte bancaire de Romano qui nous a laissé un message également tout à l'heure. Bah, elle est rangée, elle sert plus à rien. Oui, Marie, tu disais. Ouais, non, du coup, tu disais que tu te levais tôt, mais t'écris quand? T'écris pas la nuit? J'écris la nuit, je dors peu en fait. Ah ouais, c'est ça. Toi, t'es comme nous, toi. J'ai plus trop le temps de dormir, j'ai souvent des lunettes. Bon, là, ça va, je suis pas trop marqué parce que j'ai bien dormi cette nuit. On te voit pas, mais. Du coup, ouais, c'est vrai que je dors pas trop. T'es préparé pour ce soir-là? Ouais, c'est ça. Tu savais qu'il y avait une surprise, tu savais pas ce que c'était? Ouais. La surprise est là. Qui n'a pas posé de questions? Karim, allez, on fait le tour de table. Et après, c'est fini. Ouais, après, terminé. Une question. J'ai écouté les extraits de ton album, j'ai pas entendu de featuring avec la Crime. Yes, c'est, ça tout s'explique parce que ton poteau la Crime disponible. On le salue d'ailleurs la Crime. Et je lui passe un gros big up. Nous aussi. Ah ouais, pareil, big up la Crime. Free la Crime, s'il vous plaît. Free la Crime. Et puis tout simplement, ça s'est pas fait parce que la Crime a des problèmes personnels qui font que on n'a pas pu se rendre disponible pour le faire, tu vois. Et je pense que ça sera effectif d'ici peu. Alors il faut pas se cacher la tête. Et puis voilà. Bah, tranquille. Et alors attention, là on va filer direction la Ferrari parce que c'est. Ah vas-y, moi j'aimerais bien la voir et monter dedans, moi, faire une photo. On descend, Romano. Alors bah, allez, vas-y. Allez, on descend. Bah, branche les micros. Il faut juste l'allumer. Tiens, alors là c'est l'heure de la surprise, SCH. Bah allez-y, non, on vous attend. Bah, on va y aller. Alors, Romano, t'as branché les micros? Le mien il marche pas. Mais si, il marche. Ah ça y est. Ouais, voilà, c'est bon. Et toi, Romano? Eh bien, ça fonctionne. Et toi aussi, t'imagines, tout marche en plus. Ouais. Vas-y, SCH, à allez, toi c'est parti. Tac, voilà. Tac. Alors, on est dans les couloirs de Skyrock. Je crois que j'ai une sciatique. Bon, vous la voyez? Elle est belle. Avec quelle couleur? Ouais. Hop, et là, c'est bon. Très bien, le casque bloque, j'arrive pas à le mettre avec mon nez. Merci SCH. On a tous des problèmes dans l'équipe. Moi c'est Lance. Je suis au point. Aussi. Alors, vas-y, viens, on monte dans ce... Allez, on va voir la Ferrari. Elle est comment? Elle est rouge, Marie. Ah ouais? Et elle est italienne. Wow. Oh, wow. Qu'elle est belle. Décapotable, décapotée. Elle est branchée sur Skyrock. Quelle couleur? Elle est rouge. Ah, rouge. Je vérifie si elle est branchée sur Sky. Ah. Oula. Et ouais, elle est branchée sur Sky. Magnifique, je peux la démarrer? Bien sûr. Faut écouter le son. Hein. Hey, ah, c'est 10 foules en fait, tu vas la foutre dans le. Ah ouais, c'est clair. Hey, je vais pas partir. C'est bruit, Wow. Ah, ça pète. Elle est à qui la Ferrari? À moi. T'es où toi? Il est pas serein. C'est à toi. Et tu. C'est bon, Cédric a laissé la carte bleue, tout ça. Hein. Je pars à Orléans. 20 000 euros de costume. Je pars à Orléans. On est là. Oh, très bien. Écoutez le bruit de la Ferrari. C'est pas beau ça. C'est derrière le moteur, je crois. Ah oui, c'est derrière. Ouais. Mais qu'il est con. Parce qu'en fait, Diffoul, il met le micro devant. C'est l'inverse sur les pépés, ouais. Devant, ça me fera aucun bruit. Écoutez donc le bruit. Non mais on sent quand même le professionnel. Le mec maîtrise. SCH. Attends, je vais monter moi. Romano, elle est trop grande pour toi. Regarde, il est tout petit. Je dis Abdel, fait sur les champs, à louer, c'est bien, non? Bah oui. Wow. Qu'est-ce qu'il y a, Cédric? T'as l'air de stresser. Doucement avec le moteur, s'il te plaît. Bah attends. C'est beau quand même. C'est ta voiture préférée, la Ferrari, SCH? Bah écoute, je kiffe bien. Faut écouter Féfé sur les champs. Et tu comprendras que j'aime bien les Féfé. Ouais, je suis bien dedans. Et franchement, on est bien. Bon, tu vas me dire, vu le prix, heureusement que t'es bien dedans. Combien ça coûte une Ferrari? Tu sais combien ça coûte, SCH, Ferrari? J'en ai pas la moindre idée. Ça coûte à peu près 500 balles. Ouais, bien sûr. 500 balles. Quand Cédric le paye, ouais. 500 plaques. Ouais, combien ça coûte? 200 balles. 200 000. Ouais. Ah, tiens, on se posait la question. Une roue, ça coûte combien? C'est bon, comment? Je suis large. Une roue, ça coûte combien? Une roue avec l'agent, 5 balles. 5 000. 5 000 ouais. Et un rétro, on demandait aussi. Oh, 1 000 euros. Ouais, parce que euros. SCH. Ça dépend des options qu'il y a sur le rétro. Je viens de lui demander parce que ça va vous coûter rush. Non, mais comme on est là pour fêter Anarchie, l'album d'SCH. Il est là. C'est moi. Ah, ça c'est conseil pas cher. Ah, conseil pas cher, c'est Cédric qui paye. Ouais, Cédric. C'est la spéciale du dimanche soir. Avec le meilleur de Diffoul sur Skyrock. Les conseils pas chers de Romano que vous retrouverez en direct demain matin sur Skyrock. Ça sera à 7h10 et à 8h10. Là, on est dimanche soir. C'est la spéciale. C'est le meilleur de Diffoul. Ça se poursuit tout au long de la soirée. Le tour en Ferrari, en Féfé DCH avec Cédric et Romano. On se le calera. Ça sera tout à la fin de la spéciale de Diffoul tout à l'heure aux alentours de 23h30, 23h40. D'ici là, il va se passer plein de choses. On va filer sur le répondeur de Pamela. Vous allez découvrir les nouveaux prétendants de Pamela. On va parler plan à

Dimanche soir, on est tous ensemble, un spécial de Diffoul Designer, le New York avec Pendy. On va parler plan à trois avec le couple lillois Rebecca et Jem. Et juste avant, les nouveaux chéris de Pamela à découvrir maintenant. C'est le répondeur de Pamela dans la spéciale de Diffoul. Elle est blonde ou brune. Son sein gauche fait 85A et le droit 95E. Elle n'a que trois doigts. Il travaille dans la mode. Enfin, elle est modéliste, quoi. Pamela, le moment le plus sensuel de l'émission. Bon, les pervers de la semaine, on va les découvrir. Alors, Pamela, comment vas-tu? Eh ben, écoute, ça va pas mal. Ouais, t'as vu, Marie est là aussi. Hein. Ouais, salut les filles. Salut Maryse. C'est lui qui vous a dit bonjour à toutes les deux d'ailleurs. Et ouais. Et sympa. Très poli. Hein. Pamela, t'as entendu Cédric? Bonjour Diffoul. Bonjour Pamela, ça va? Ouais, bah écoute, nickel. Ouais, je te disais, il y a Cédric qui est là. Ouais, je suis là. T'as dit salut les filles. Bah, écoute, salut ma chérie. Découvrez les pervers de la semaine. Vous allez, bah faites péter mon répondeur. Et vous nous dites ce que vous en pensez, comme d'habitude, les pervers de la semaine. C'est Diffoul qui s'occupe du répondeur parce que je suis une femme, je ne sais pas le faire. Ah bah ça. Eh oui, merci. On est toujours là pour t'aider. Diffoul, bah c'est bien gentil. Merci de me faire confiance, Pamela. Merci de rien. Bon alors, les pervers de cette semaine, on les découvre. Attention, vous allez le premier. Ouais, bonjour. Bah écoutez, je suis un gros cochon. Ah. Je recherche une femme là, qui aime bien se faire fister, qui aime bien se faire démonter la chatte, tout. Et tu peux m'appeler au 0660. Direct. J'ai bien de défoncer. Voilà. Allez, bisous. Bisous. Bon. Oh, bah, comme c'était prévenu. Il y a quand même du romantisme à la fin. D'ailleurs, beaucoup de romantisme à la fin. Je suis un gros cochon. Je viens de défoncer. C'est le gros cochon. Faire défoncer la chatte, et fister la chatte. Et le mec, il se dit pas que les filles, ça va leur faire peur d'entendre un gars qui dit. Non, pas du tout. C'est un gros cochon. Ouais, ouais bonjour. Ouais, mais écoutez, bonjour. Je suis un gros cochon. Qu'est-ce que t'en penses, Sherazade, d'ailleurs? Tiens, t'es encore là, Sherazade? Oui, je suis toujours là. Alors, tu tombes sur un mec comme ça qui te fait ça, tiens. Bonjour. Je suis un gros cochon. Qu'est-ce que tu lui dis? Ouais, bonjour. Bah, écoutez, je suis un gros cochon. Voilà. C'est horrible. Ah, tu le trouves pas sensuel, lui? Je me sentirais trop mal, en fait. Bah ah, mais tu n'as aucun goût, ma pauvre. Moi, j'adore. Ah, il est tellement sensuel. Mais Pamela, c'est parce que toi, t'es un peu plus sensuel que moi. C'est ça. Un petit peu une enfant par rapport à toi. Merci de la petite chose. Ah, bah, j'espère pour toi, au niveau cul, que tu restes une enfant par rapport à Pamela, parce qu'elle, elle envoie le bois. Tiens, Sabrine nous dit, il fait flipper, lui. On a l'impression qu'il va cogner quelqu'un, nous dit Diablo. C'est un vieux pervers, non? Le salon de Skyrock. Ah, bonjour au salon de Skyrock qui nous écoute ce soir, ça fait plaisir. Eh bien, bonsoir à lui. Il est chaud, lui. Bah, c'est le gros cochon. Donc, vous avez le premier pervers de la semaine, le gros cochon, sensuel comme jamais. Ah ouais. Ah, on faudrait faire un remix de la... Sensuel comme jamais. Sensuel comme jamais. Gros cochon. Ouais, bonjour. Bah, écoutez, je suis un gros cochon. Ouais. Je recherche une femme là qui aime bien se faire fister, qui aime bien se faire démonter la chatte, tout. Voilà, ça aussi c'est sensuel, hein. Qui aime bien se faire fister, donc c'est avec un point. Et démonter la chatte également. Ouais, tout quoi. Tout. Et tu peux m'appeler au 0660. Lui doit recevoir un nombre de coups de fil impressionnant. Ah, ça doit cartonner. C'est, là. Ouais, c'est clair. Bisous. Ah bah il donne envie, hein. Ah bisous, bisous. Il fait l'over lui. Ah putain. Ah salut les gros luches. Non, notez bien. C'est le gros cochon. Gros cochon. Bien s'il vous plaît le gros cochon, mais il y a tous les autres à écouter avant. Alors on a qui derrière dans le répondeur? Noël, cherche femme dans 70, près de Gris aux alentours. Oui. Pour lui lécher les pieds, lui faire l'amour, la lécher les pieds, normal. Appelle-moi 0628. Petit accent du 70. Lécher les pieds, faire l'amour. Ouais, c'est ça. Il veut lécher les pieds et faire l'amour. Bon. Entre le gros cochon qui veut fister et lui qui veut lécher les pieds, on est dans la normalité totale. J'ai envie de lécher les pieds et faire l'amour. Alors, je note, le lécheur de pieds, c'est Noël, c'est le deuxième pervers de ce soir. Joyeux Noël. Oui, en effet, merci pour ça. Merci. C'est vraiment extrêmement drôle. Très drôle, très très drôle. Un autre, c'est qui? Alors. On n'entend pas. Ah oui, il faut que je mette le répondeur. Oui. Bonjour, je me présente David, j'ai 40 ans, je suis un homme très vicieux, très coquin. Ah, merci. Voilà, bien membré, et je recherche une femme très, très vicieuse, très coquine, hein. Voilà, très chaude. Voilà. Vous pouvez m'en joindre au 06. Et tiens, toi, Samy, lui. Je m'appelle David. Ah, David. C'est David. Il est d'Espagne. Il est d'Espagne, il est pas de chez moi, c'est un espagnol. Espagnol. Ah, espagnol. C'est le sud, hein. En plus, j'aurais dit sud-ouest. David, vicieux coquin. Ouais, je le vois bien de Perpignan ou un truc comme ça. Je suis très vicieux, je suis très coquin. Je cherche le vicieux. Oh, bien membré. Et une coquine. Voilà. Il est bien membré, il a dit. Ouais, il a dit, ouais. À Marie a retenu, ça c'est dingue. Ah, mais j'ai entendu. C'est le truc que j'ai écouté. Mais non, parce que Samy avait compris. compris démembré, donc c'est bien membré. Bien membré, très bien. On dirait mon père le premier. Ouh là là. Petite licorne, qu'est-ce qui t'a. Un gros cochon. Petite licorne, 14 ans. Le gros cochon, dirait ton père. Ah ouais, d'accord. Putain, merde, pas de bol, c'est le pire. C'est le showbiz. Donc David, c'était le troisième. Allez, j'ai le quatrième à vous passer là maintenant. Donc David, vicieuse coquine. On a eu le gros cochon, on a eu Noël, le laisseur de pied. Ouais. David, le vicieux coquin. Et là, attention. Ouais, salut, Machiavion, recherche une femme. Bien cochonne. Il se branle. Les bons plans cul. 06 31 59. Ouais. Il se branle ou il est foncedé ou ah ouais, non, mais. Je pense qu'il se branle. Ah, je pense qu'il est en train de se. Ah ouais. On va la pignoler un peu. Ah, il est surexcité là, je pense. Ouais. Ah, ça, en laissant un message à Pamela, il les excite. Ah, elle les excite tous. Ah bah, c'est, ça doit être ça, oui. C'est fou. Ouais, salut, Macalion. Ok, Macalion. Il fait un peu peur, je pense. Bon, c'est le branleur lyonnais, allez, on va l'appeler comme ça. Hein, ouais, le branleur lyonnais. Alors, les lyonnais, mais. Macalion. Qu'est-ce qui se passe, dis donc, ce soir? Ouais, on est chaud. Ouais. On est chaud dans le 69, là. Le cinquième. 1, 2, 3, 4. Ouais, 5. Oui, bonjour, Pamela. Désolé du dérangement. Désolé du dérangement. Mais c'est ce qui sent un message. Oui, allô, Pamela. Désolé du dérangement. Eh oui, Cédric, c'est un mec. Oh, voilà. Grosse voix, chelou, quand même. Ah, j'adore sa voix. Ah, ouais. Oui, bonjour Pamela, désolé du dérangement. Je vous appelle parce que j'ai vu votre annonce sur Viva Street. Donc déjà, j'aimerais m'assurer que ce soit bien vous qui l'avez posté parce que ces derniers temps, en fait, il y a plein de gens qui usurpent le numéro de. Faut pas usurper. D'autres personnes, et voilà. Ça, donc, c'est un problème. Il s'est bien de qui s'est fait couiller. L'annonce, bah écoutez, rappelez-moi au 07. Ça m'a déjà coûté 5000 euros. 60-09. Voilà. Je suis intéressé par votre annonce. Merci beaucoup. De rien. Mais c'est monsieur Parano, lui. Faut pas usurper. Ah ouais. Alors, monsieur Parano, alias voix sensuelle. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, il s'est fait couiller, c'est ouais, sûr. Ouais, non, mais ouais. Bah, le mec, comme il dit des trucs, oui, alors, il y a des gens qui usurpent. Ouais, ouais. Parce que ces derniers temps. On va l'appeler Monsieur Parano, voix virile. Ouais, voilà. C'est ça. Ouais. Ouais. Parce qu'il a dû se faire douiller là-dessus. Ah, bon, et le tout dernier, le tout dernier pour ce soir. Oui, très bien physiquement, passif, imberbe pour une partie cul. Voilà. Voilà, je suis passif, hein, je suis donc quelqu'un d'actif. Tu peux me joindre au 06-16. Ah, elle est une femme. Voilà. Je ne réponds pas au SMS. Voilà. Merci. Je peux l'appeler. Bah oui, parce qu'à priori, il cherche un homme, il s'est trompé, il a cru que Pamela était un homme. Ah, mais tu diras que tu joueras avec ses fesses, et puis voilà. Ouais, je le gode. Ouais, voilà. Pamela le godera, quoi. Ouais, bon, c'est bien ça. Alors, le passif, c'est le. Vraiment, ouais, si Cédric insiste, il peut le récupérer pour lui. Non, bon, ça va aller, je te le laisse. Oh, t'es trop gentil, Romano. Ah, ouais, j'ai envie de taper dans la crocante. Non, je te le laisse, du monsieur. Oh, ouais. Ah, ça va. Tu sais pas quoi faire ce week-end, Cédric. Ah, si, si, je suis ce week-end. Voilà, le mettre dans la merde. La spéciale du dimanche soir, le meilleur de Difool. What the fuck? Jusqu'à minuit sur Skyrock. T'as Jay et Rebecca qui sont avec nous. T'es là, Jay? Ouais, je suis là. Alors toi, tu nous parlais d'un fantasme que vous aviez envie de réaliser, un truc que vous n'avez pas encore fait, que vous voulez tester. Ouais, c'est à peu près ça. En fait, on avait un fantasme, et pour accéder à ce fantasme, il fallait déjà qu'on essaye un plan à trois avec une autre femme. En fait, voilà. En fait, on l'a fait. L'expérience, ça s'est un peu mal passé parce que pour en finir, la personne s'est partie un peu en cacahuète avec. Mais la meuf, vous l'avez trouvée où? En fait, c'était une connaissance. D'accord. Et en fait, justement, la connaissance a fait que, dû à ça, c'est parti en cacahuète et du coup, on se parle plus. Ah, et c'est. Il y a quoi qui s'est mal passé pendant le truc? En fait, c'est la personne qui a voulu juste essayer. Pour finir, elle nous a dit que, en gros, c'était vraiment à trois, mais c'était plus. Elle voulait plus essayer avec une autre femme. Ah ouais, elle s'est tapé ta meuf et toi, tu pouvais pas la toucher, t'étais pas content. Si, je pouvais, mais elle faisait rien, quoi. Donc, mais c'était votre ami avant et depuis, plus de nouvelles? On a des nouvelles entre guillemets, mais ça se passe plus bien. Ouais, vous avez plus trop de contact avec. C'est comme si toi, Romano, faisais l'amour avec Cariole, bon, normal. Ouais. Et Cédric. Ah, et que après, vous ayez du mal à communiquer. Non, nous, on n'est pas trop dans les tripes zoophiles, nous. tu es un chien. Nous, tu as. Qu'est-ce que tu oses parler? C'est horrible. Il est plus dans la scatophilie, lui. Ouais, aussi, je lui ai demandé à Jay, c'est une idée de vous deux, à la base, de faire l'amour avec une nana? Ouais, c'était un fantasme à nous deux, en fait. Tu devais être content, non? Ouais, forcément. Ouais. À la fin, t'étais moins content quand t'as vu que tu ne pouvais pas faire grand chose. Vous l'avez choisi comment? Vous avez fait un casting? Non, t'as pris dans les copines. Non, pas vraiment. Après, c'est des choses dont on en a parlé, puis ça s'est fait comme ça, naturellement, quoi. Mais c'est vrai que ça s'est pas très bien fini, on va dire. Et c'est pour ça que j'aimerais avoir des avis. Mais toi, t'as aimé? T'étais excité quand t'avais les deux dans ton lit? Bah, l'excitation, c'est plus voir ma femme qui. Excite avec l'autre, quoi. Mais t'as fait plaisir, c'est ça. Rebecca, elle a fait quoi? Elle a léché sa copine, elle a bouffé les seins, elle a mis des doigts, elle a fait quoi? Ah ouais, bah après on a tout essayé. La totale. Magnifique. Évidemment. Bravo. Donc vous, maintenant vous voulez encore aller plus loin. Vous êtes à 3 pour l'instant. Vous avez combien? 4, 5, 6, 7? Ah non. En fait, on aimerait des avis des auditeurs pour savoir ce qui est le mieux entre voir si c'est mieux de le faire avec des connaissances ou justement des personnes qu'on connaît pas. Ou, donc le plan à 3, vous voulez refaire en fait, hein? En fait, on aimerait le refaire, mais justement, le fantasme, ça serait de le refaire, mais où, justement, Rebecca, où c'est elle qui domine, en fait. C'est elle qui la domine et qu'elle soit soumise. Mais c'est vrai que pour ça, on aimerait continuer à essayer avant d'arriver à ce point-là, quoi. Non, mais éviter les connaissances, t'as vu comment ça a tourné, le truc? Oui, c'est vrai, c'est peut-être pas bon avec les connaissances. Vous avez déjà testé, ça n'a pas marché. Hein. Bah, le problème, c'est que si vous testez avec toutes les connaissances, vous n'aurez plus d'amis bientôt. C'est pas ça, ça se passe mal. C'est à chaque fois, c'est pareil. Pas faux. Non, mais moi, je pense que c'est mieux. D'ailleurs, on a parlé plusieurs fois. Ouais. Souvent, l'avis qui revient, c'est de le faire avec quelqu'un que tu connais pas du tout. Hein. Bah là, l'avis qui revient sur les messages que vous envoyez, plein, là, c'est en gros, il faut pas le faire. Il y a Mato, l'Égypte, par exemple, qui a 18 ans. Ah oui, non, ça c'est un autre problème. Ouais. Plan à 3, faut jamais essayer, mec. C'est trop le mauvais plan, que des problèmes après. Bon, pas forcément, si non, tu mais connais si... pas non, la mais... personne. Non, mais après, il y a. Moi, j'ai déjà fait un plan à 13, c'était génial. Bien sûr, t'as raison. T'as pas eu peur que ça te porte malheur, ça, non. Non, mais c'est vrai que. Non, mais il y a toujours le risque, admettons que la meuf, elle se barre avec. La meuf. Avec la deuxième meuf, ou que la deuxième meuf, toi, tu te barres avec. T'as pas eu peur de ça, toi, Jay? Ah, on a déjà vu Marie. Non, pas du tout, parce que ça faisait pas mal de temps qu'on en discutait, on a fait le tour de tous les problèmes et tout ce qui pouvait arriver. Oui, mais des fois, tu sais, tu ne contrôles pas tout. Non, puis c'est qu'un délire cul. Hein, mais bon, on a beaucoup parlé. Ah, mais t'imagines, tu fais un plan à 3, ta nana, elle se barre avec la meuf qui est venue. Bon, Les boîtes échangistes, tout ça, ça vous attire pas, par exemple? Bah, ça, on en a discuté, mais bon, pour l'instant, on n'est pas prêt à franchir le pas. Ouais. Vous n'êtes pas encore boîte à cul? Voilà, pas encore. Ah, c'est peut-être plus sympa chez soi. Ouais, non, mais moi, je préférais aussi. Je suis un peu. Ah, mais tu peux rencontrer des gens. Les gens, ils te regardent. Non, mais il doit y avoir un paquet de tordus aussi dans ces machins. Non, mais puis les gens, ils te regardent baiser. Ah, oui, puis les gens, ils te regardent baiser, la raison, Romano. Tu peux le faire chez toi. David également au téléphone avec nous. Salut, David. Salut. Toi aussi, t'es un touzeur. Le touzeur de Nancy, lui. Ouais, c'est un touzeur. Le touzeur lorrain. Non, mais toi, t'as bossé dans un club chaud, hein. Ouais, voilà, j'étais DJ dans un club libertin. DJ dans un club libertin, comme DJ Roro. T'as dû en voir des trucs. Mais les gens, ils sont. Assez chaud, ouais. Mais les gens, tu vas nous raconter. Mais ouais. Les gens en club échangiste, ils s'en foutent de la musique, non? Est-ce qu'ils viennent? Ils viennent pour baiser, quoi. Mais non, ils dansent. En fait, ouais, ils viennent, là, ils font genre, on se regarde un peu, on écoute un peu la musique, et puis une demi-heure après, t'as plus personne. Ouais, voilà, une demi-heure après, elle te suce. Voilà. Ça va. C'est ça, faut pas le dire. Non, bah attends. Ah, ouais, sur Skyrock, on dit tout. Si t'as baisé des clientes et tout. Ouais, faut que tu le racontes. Ou des clients. On sait jamais. Oui, oui. Ou si tu t'es fait baiser en mixant des disques par des clients. Ouais, ça, ouais, bah, c'était vraiment un kiff, hein, en plus. Ah, bah, t'as tué un. Allô. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Ah, bah, c'est vous qui avez qu'à appeler. Le double appel de Difool sur Skyrock. Hein? Allô. Oui. Qui c'est qui est à l'appareil? Oh, bah, faut savoir, c'est vous qui appelez. C'est bon. Comment? Comment? Allô? Ça va. Allô? Allô? Oui. Allô? Oui, oui, je vous écoute. Viens, viens, mon frère. Oui, allô? Oui. Comment dirais-je avec un. Allô? Oui. Absolument, oui. À qui vous voulez parler? Oh, t'as qui casse les couilles, celui qui appelle? Oui, allô? Allô? Oui, allô? T'es avec ton copain, là? T'es avec ton copain, là? Mais quel copain? Patrick. Allô? Allô? J'ai des gosses. Allô? Allô? Qu'est-ce qui me casse les couilles? Absolument, oui. Qu'est-ce que c'est cette histoire, là? Ils t'ont fait une doublette, non? Bonjour, vous êtes sur la messagerie du... J'ai pris ma belle boîte, puis j'ai une bonne bite, là, bien... Ah, attends, on est parti, la là. Bonne bite de Patrick a été fatale. On l'a rappelé 4 fois. Lui, il était super. Ah ouais, il était. Ouais. Le mec s'est transformé en chamal à la fin. Et alors, la dernière fois, on est tombé sur le répondeur. Me casse pas les couilles. Oui, c'était. C'était chamal pour. Ah, tu me fais chier. Chamal pour terminer. C'est ça. Allez, ces deux autres là. Ouais. Allô. Oui. Ah. Allô. Allô. Allô. Oui. Allô. Oui. Oui, ben, c'est pas, j'ai un appel. Je réponds. Un appel. Oui. Ah, oh, qui c'est qui t'a donné ça? Ah, oui. Alors, comment vas-tu? Ah, moi, ça va. Vous voulez parler à Ginette?

tous les soirs dès 21h. What the fuck? Difool est sur Skyrock. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Fort de Rihanna sur Skyrock avec Calvin Harris. Attention, Rihanna dans la roulette. On a des invites à vous offrir. Ça continue sur Skyrock. 400 places en jeu actuellement pour la grande tournée Skyrock de Rihanna. Riri qui va passer par Nice, à Lille, à Lyon et du côté du Stade de France à Paris, Saint-Denis. Tournée Skyrock, place dans la roulette. Ça peut tourner à n'importe quel moment. Ça va peut-être tourner d'ici à minuit. On verra peut-être également chez Fred tout à l'heure dans Rail Suprême. Et ce qui est sûr, c'est que ça tournera demain et tout au long de la journée avec toute l'équipe. La spéciale de Difool qui se poursuit. L'arrivée de Patrick Le Pervers avec Pamela pour un gros collector, c'est juste après la Champions League qu'on se met maintenant. C'est MHD featuring Romano dans la spéciale sur Skyrock. Yo, yo. C'est quoi le titre sur lequel t'as les meilleurs retours à part Afro Trap peut-être la Champions? Ouais, il y a le morceau de Akalenta dans l'album. Ouais. Akalenta, il y a des bons retours. Il y a quoi encore? Bah manger balle. En fait, ça dépend. Tout. Ça dépend où tu vas. C'est différent en fait. Non, genre dans les chichas, la Frotrap 3, c'est un bordel. Ouais, dans les chichas, la Frotrap 3. Ah ouais, Champions League, c'est la Champions League. Bah, tous les Afrotrap quoi. Tu vois. Il donne la pêche. C'est moi qui balance le son, Romano. Normalement, ouais. La 3, c'est plus. Eh ben, c'est parti, on y va. Allez, c'est pas. Je fais des refrains. Vas-y. Et je fais des backs. Ouais, tu vas essayer, ouais. Des backgrounds. je te laisse les le refrain. Backgrounds. Ouais, il est backé sur le truc, ouais. C'est backé. Vous êtes prêts? Allez, vas-y. Allez, c'est sur Skyrock, dans la radio libre. Il y a MHD, il y a Romano. C'est parti, la Champions League. Afrotrap partie 3. La moulette vient de Paname, intouchable comme Verratti ou Mota. Je suis seul rinté, t'es sur le banc de touche. Affrontera pas marqué donc ça coupe ma gros. File mon chèque. On m'a donné la soif, je connais plus l'échec. Je connais plus l'échec. Je connais plus l'échec. Toujours titulaire comme Keita Sheik. Les négros hors demande, passe un coup de fil, y'a de la peu frappe sur commande. Tu pars sur le réseau, tu t'es ma mes clips. Tu dis que c'est la merde, passe au bar que je te démonte. Je suis toujours en apnée. Ces bâtards, je les sens pas. Tu butes à la Yoka. On se bute à la peuf, c'est la Champions League. 7-5, c'est la Champions League. 9-1, c'est la Champions League. 9-2, c'est la Champions League. 9-3, c'est la Champions League. Skyrock, c'est la Champions League. Sighting, c'est la Champions League. 7-8, c'est un chancing. 7-10, c'est la Champions League. C'est la Champions League. Paname, c'est la Champions League. Fuck, si t'es pas de ma team. Paname, c'est la Champions League. On baisse tout en Champions League. Paname, c'est la Champions League. Fuck, si t'es pas de ma team. On baisse tout en Champions League. Paname, c'est la Champions League. Les gars, va m'en dire. Bombarde-les. C'est PD, ça proche, sans le bon m'ignorer. Retrouve-moi sur le corner, rue de chauffonnier, gros. À part ta lumière, tu vas rien allumer. Un club dans la main, mais qu'est-ce que tu vas faire? C'est bête d'avoir les couilles vides et un 9 mm. Autre truc, on t'a pas checké les lèvres des points, c'est pas le maître. Un mytho à droite, un mytho à gauche. Tout le gars, tu crois qu'il est riche. Versace par là, Gucci par là. La malade au frigo est vide, par ta main de mon épaule, c'était pas de mon équipe. Le téléphone sonne, fais pareil, c'est tranquille. Allô. L'atmosphère est tendue comme une transac de kick. C'est la championne. C'est la Champions League. 9-2, c'est la Champions League. 9-3, c'est la Champions League. Skyrock, c'est la Champions League. 9-5, c'est la Champions League. 7-7, c'est la Champions League. 7-8, c'est la Champions League. C'est la Champions League. Paname, c'est la Champions League. Fuck si t'es pas de ma team. Paname, c'est la Champions League. On baisse tout en Champions League. Paname, c'est la Champions League. Fuck si t'es pas de ma team. On baisse tout en Champions League. Paname, c'est la Champions League. Champion, yeah. Mon frère. Ou brune. Son sein gauche fait 85A et le droit 95E. Elle n'a que 3 doigts. Il travaille dans la mode. Enfin, elle est modéliste, quoi. Pamela. Pamela. Le moment le plus sensuel de l'émission. Attention, attention, attention. Je suis là. Et oui, il arrive. C'est coucou. Bon, ça, c'est Pamela. Hein. C'est il aussi, hein, parce que c'est. Je vois pas que c'est Romano. Dire, faut dire elle, parce que. Qui toi, elle, on dit. Bah ouais, pour que ça soit crédible. Dans la peau du personnage. Bah ouais, c'est une meuf. Il faut que je t'appelle elle à partir d'aujourd'hui. Non, mais non, juste pendant les appels de Patrick. T'es bien qui veut qu'on l'appelle elle. Hein. Ah, Cédric, il a compris. Putain, mais t'as quel âge, sérieux? Ouais, bon, on va t'appeler elle maintenant. Elle belge. J'ai vu ton mode enfance, quoi. Il te fait des blagues, mais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Moi, j'ai 8 ans. Non. Alors, allez-y, appelez Patrick. Patrick, vous attend la queue à l'air. On appelle Patrick, allez, c'est parti. Vous êtes prêts? J'espère qu'il va être rentré chez lui, là. J'espère qu'il va être rentré chez lui. Et surtout, bien chaud, Patrick. Ouais, ça, on va le chauffer, sinon. Je ne sais pas ce qu'il fait. Je suis en train de masturber, là. Peut-être, peut-être qu'il est en train de se masturber, le beau Patrick. Vas-y, Pamela. Oui. J'attends. Alors. Vas-y, allô. Allez, décroche, putain. Bonjour. Vas-y. Patrick. Vous ne pouvez me joindre pour le moment. Laissez-moi l'objet de votre message, votre nom, éventuellement votre numéro dans les transports. De téléphone, et je vous rappellerai dès que je pourrai. Absolument. C'est bon, ça. Bon, tu lui laisses un message ou pas? Message, le message. Ouais, sert à rien. Sert à rien, t'auras pu l'exciter sur le message. Un gros bisou, là. Bon, c'est le fixe? Bah oui, oui, c'est le fixe. Bah oui, c'est Cédric. Bah oui, ça répond pas sur le portable. Cédric, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Non, on peut rester le portable. Je sais pas. Ah bah on peut passer la soirée, mais ça répond pas, Cédric. On parle des pas. Non, mais des fois, j'insiste. Y'a une femme ça. Parle. Oui, allô? Ah. Ah, pas mal. Bon, trop bonne. Oui, allô? Oui, allô, Patrick? Comment vas-tu? Bah ça va et toi? Bah je viens de rentrer là. Ah oui, j'ai appelé sur ton portable, ça décrochait pas. Ah bah écoute, bah c'est peut-être bon. Bah tu sais, il était dans ma veste alors, donc ça devait déconner quoi. Parce que là t'es à poil là? Non, je rentre simplement là, je suis encore habillé, ouais. Ah t'es encore habillé? Et toi? Bah ça va, moi je suis à poil là. Ouais, tu fais la fête du clito toi alors? Ah bah la fête du clito, c'est ça comme tu dis. Il y a mon copain, il est là, ce soir il va me faire ma fête je crois. Salut, tu crois là? Ouais. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va. Eh, écoute, ça va, bien chaud, sans, je vais lui faire la fête à son cul. Elle m'appelle déjà. Bah dis donc. Et toi, comment ça va? Tranquillement, là, j'ai pas mal de choses avec le football, mais sinon... Bon alors Patrick, faudrait que tu viennes me marquer des buts, un de ces jours. Bah un de ces jours, bah écoute... T'as toujours ta gonzesse, là? Ouais, bah non, elle est partie, là. Elle est partie, c'est bien ça. Elle est partie pendant un mois. Oh bah, on va être tranquille, moi. Je vais partir, comment dirais-je... Je vais partir à l'île de Ré, là. Ah, comme d'habitude. Bah lundi prochain, pas lundi, là, l'autre. En parlant de Ré, je me ferais bien fouiller un petit peu la veste. Ouais, bah c'est ce qu'il y a de mieux, hein. Ah, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse, Patrick? Ah, bah, tu vas lui demander qu'il te donne bien à fond, là, quand même, non? Direct, comme ça, Patrick? Ah, ouais, bien sec, comme ça, là. T'es chaud, là, soir, hein? Ça va. Moi, j'aimerais bien que tu te déshabilles un petit peu, Patrick. Bah, tu sais, là, j'ai pas trop la forme, j'arrive, là, seulement, tu sais, je veux dire. Ah, mais j'ai une journée d'enfer, aujourd'hui. Sors-moi ton pantalon, sors-moi ton sexe du pantalon. Là, j'arrive seulement, là. Et je me détends, je suis allongé dans mon canapé, tranquillement, là. Tranquille, pépère, tu bandes un peu? Non, même pas là, tu vois là, ça fait plaisir. Non, ça n'a rien à voir, je suis crevé de ma journée là, j'étais à Orly, j'étais à Roissy, j'ai cavalé. Après j'ai eu trois réunions, j'ai une réunion à la mairie, Moi je vais m'occuper un peu de mon copain là. Ouais, bah, je te le passe hein. Ok, d'accord. Alors, t'es fatigué Patrick? Non, je suis pas fatigué, j'ai pas arrêté de courir. Ah, elle est en train de te sucer là. Ah, comment t'as fait pour deviner? Oh, bah, je devine, bah, je sais. Aya qui a ça au mouvement qu'elle fait là. Ah ouais. Faut bien qu'elle aille à fond là. Hein. Ah bah là oui, ça t'inquiète. Vas-y. Vas-y. Elle te suce bien là. Hein. Ah bah ça oui. Elle aime ça. Hein. Ah oui. Ah, j'adore ça. Vas-y, encourage-la, dis-lui, vas-y. Vas-y. Faut qu'elle te suce les couilles là. Faut que tu suces les couilles. Dis-lui, vas-y. Suce bien les couilles là. Ah oui, il a des grosses couilles. Vas-y, suce bien là. Ouais. Vas-y. C'est goûtu. Enfonce bien ça. La poule. Allez. Aïe. Aïe. Ah la connasse. T'as mordu. Oh là là. J'ai mis un coup dedans. Bah oui, tu lui as dit enfonce bien la fois, elle a tout avalé. Ah bah dis donc, la coquine là. Ah la coquine là. Et elle en veut. Allez, je veux. Si je danse. Ah là là là. Ah Lyon, bah, elle va vouloir aimer se faire sodomiser là. Ah, je ne sais pas, tu veux. Vas-y, sodomise là. Ah. Viens à fond là, comme ça. Ah. Voilà, ça lui fait du bien là. Ah. Vas-y, rentre-lui bien là. Oula, je suis en train de fond. Ça fait rien ça. Ah. C'est que ça lui fait du bien, ça passe bien comme ça. Ah, ça passe. Il me ramène la chemise. La cheminée fume. Elle fume. Cheminée fume, mais c'est pas grave. Si ça passe, c'est le principal. Si t'arrives bien à lui écarter, c'est le principal. Mon chéri, tu as amené le saucisson. Non, malheureusement, je l'ai mangé à midi. T'as oublié le saucisson. Ça. Ah là, les deux en même temps, c'est terrible. Ah bah oui, mais malheureusement, je l'ai mangé à midi. Bah t'as eu raison, Marc, ça fait pas de mal. Ah bah, je peux dire qu'il était bien bon. C'est pas mauvais en plus. Ah, je l'avais utilisé hier, pourtant, mon amour. Ah bah ouais, mais c'est pas grave ça. Eh oui, mais je m'en étais pas rendu compte, j'avais oublié, ça tient. Il devait être goûtu. Ah bah il avait un goût, oui. Tu sais ce que tu lui fais la prochaine fois pour la refroidir un peu? Alors? Tu lui mets un petit peu de glaçon dans la chatte, ça va lui faire du bien. Ah bah attends, ça va la rafraîchir. Lui servir des bacs à glaçon. Voilà. Après tu fais un petit Ricard dessus, ça fera du bien. Allez, voilà. Et on prend l'apéro. Voilà. Il faudrait qu'on prenne l'apéro de ces jours, Patrick. Tu sais quoi, je bois jamais, moi. Je ne bois pas du tout. Non, mais tu prendras l'apéro avec. Non, jamais d'alcool. Non, mais pas d'alcool. tu bois quand même, Patrick. Non, rien du tout. Mais tu bois de l'eau. Je bois que de l'eau, du jus d'orange. Oui, parce que autrement, tu vas être tout sec. Non, tu es comme un chameau. Oui. Ouais, bah, je suis comme les chameaux, ouais, comme tu dis, ouais. Ouais, mais tu sais, t'es un chameau avec une grosse bosse. Non. Moyennement là en ce moment. Deux bosses. On sait quand même. Fatigué, là, un peu fatigué. Oh, mais ton sexe, il fait combien déjà? 21 par combien? Oh, par 34 presque. Oh, quand même. Ouais, mais bon, c'est bon. C'est... T'es bien blond, t'es blond, hein? Ben non, tu sais, maintenant j'ai les cheveux grisonnants sur la tête. C'est sexy, encore plus beau, comme Georges Clooney. Avec les yeux verts. T'es un peu Georges Clooney, quoi. Ouais, oh. Un Patrick peu plus Clooney. Patrick Clooney, ouais, ça c'est pas mal ça. Je suis clowné aussi, tu vois. C'est pas mal. Bah dis donc. Oh là là, la cheminée qui fume là. Hein. Oui. Non, mais qu'est-ce que t'as mangé, ma chérie? T'as mangé des fignons aujourd'hui? Oh, j'ai des gaz. Oh, oui. T'as des gaz, bah c'est normal. Hein. Oh. Il faut dégager. Hein. Ah bah oui, ça rentre, ça sort. Hein, ça dégage bien. Bah ouais, bah c'est bien ça. Ça dégage sec. Ça fait du bien, c'est le principal. Bon bah écoute Patrick, sinon t'as une petite idée de ce qu'on pourrait faire là? Là maintenant, bah tu sais, je vais manger, j'ai pas mangé moi encore. Non mais nous. Nous tous les deux. Attends, qu'est-ce que tu pourrais lui faire? Ah vas-y. Tu devrais la sodomiser, tu sais, en lui levant bien les jambes. C'est nouveau ça. Bien les jambes, très bien. Bien au-dessus d'elle. Bien au-dessus d'elle. Voilà, oui, c'est pas mal ça. Tu vois bien sa petite chatte et son petit cul là. Voilà. Et puis là, tu lui rentres dedans. Dans le cul. Voilà, dans le cul comme ça. Là, ça va lui faire du bien. Frotte-le un peu le clito avec ta main, ça va lui faire du bien encore plus. Oui, Patrick. Hein? Hein? Elle aime ça, hein? Ah, bah ça oui, hein? Ça mouille dur, hein. Dis-moi des choses, Patrick. Bah, tu sais, je vais aller manger. Oui, mais c'est vrai que ça aussi, ça m'a mis en appétit, tout ça. Tiens, il reste un petit bout de saucisson. Non, même pas, tu vois, là, je suis pas long. Ah, bah, j'ai une petite salade verte, hein. Ah, bah, j'ai tout mangé à midi. Et une petite frisée. Comme Samantha, Pamela. Oui. Bon, bonne continuation. Non, on va bien s'amuser. Bon, la mienne, va faire les miens. Exactement, oui. On va faire de la musique toute seule. Écoute, elle joue du trombone. C'est ce que je voyais, ouais. C'est du sacré trombone. En fait, ah bah oui, trombone à coulisses. Ah bah c'est moi qui coulisse. Merci Patrick. Allez, ciao, vas-y. Et voilà. Eh ben, qu'est-ce qu'il faut pas faire quand même, voilà. Allez, c'est bon, il est parti. Ah oui, j'arrête tout de suite. Tu m'étonnes. Je précise que c'était une simulation, hein, pour tous ceux qui croiraient des choses. Qu'est-ce que tu étais séductrice, teur, Pamela Romano. Ah non, mais il est à fond, il était excité, lui. Ah, glaçon, Ricard, tout pour faire l'apéro, quoi. Ah, absolument. Alors, tu mets un peu de Ricard dessus. Ah non, j'ai pas d'alcool, pas de goutte. Non, hein. Non. Il boit pas, Patrick. Marie, tu très, peux pas très faire déçu. L'apéro sans alcool. Ah, non, je ne bois pas d'alcool. Non. Il devrait peut-être, tu vois. Il a peut-être un blocage. Non. Non, non, non, pas d'alcool. Non, je ne bois pas. Non, mais c'est ça. Non, sûr, absolument pas de goutte. Et c'est pour ça qu'il garde la forme, Patrick. On nous dit il est chaud, Patrick. Mais oui, c'est pour ça qu'il est chaud. Hein. Bon, voilà, c'était. Ah, ça, il était bien chaud. Ouais. Patrick est en pleine forme ce soir. Hein. Ah, ouais, ouais. En plus, c'est bien, sa femme, sa gonzesse, c'est parti pendant un mois, là. Mm-hmm. Ça va être la fête, là. Ah, bah, je peux vous dire. Ah, ça va y aller. Ah, ça, c'est clair. Pamela, prépare-toi. Oui, oui, oui. Ah, bah, oui, oui, là. On va avoir besoin de toi. Yo, yo. C'est la spéciale du dimanche soir. Avec le meilleur de Difool sur Skyrock. What the fuck? Bon, j'ai Rebecca, vous êtes bien couple tous les deux. Vous avez fait un plan à trois. Tiens, passe-nous Rebecca qu'on lui fasse un petit coucou quand même. Parce qu'on a entendu sa voix au loin derrière. Ouais, ouais. Bonjour, bonjour. Bonjour mademoiselle. Mmh, salut bonjour. Rebecca. Alors les plats à trois, toi, c'était un fantasme depuis longtemps le plat à trois pour toi? Ah oui, avant que je le connaisse, oui. Mais t'avais déjà fait des trucs avec des filles en tête à tête ou jamais? Non, jamais. Mais t'avais eu envie de ça? Oui, tout à fait. Et tu t'es dit, bah écoute, comme j'ai un mec, s'il fallait lui faire plaisir, je vais me faire plaisir à moi aussi. On y va avec notre ami. Une petite envie de moule, quoi. Oui, c'était plus pour me faire plaisir à moi hein, aussi. D'accord, ok. Et Jay était bien gentil d'accepter. Il est... Vraiment, c'est quelqu'un de bien, ce Jay. Oh, lui aussi, hein, il avait faim. Non, il l'a fait que pour toi. Bien sûr, ouais, si, c'est ça, t'as raison. Vraiment, c'est beau l'amour. C'est exactement. Beau, ouais. Donc, on a notre DJ qui a déjà travaillé dans des boîtes à cul. Des boîtes à cul. C'est ça, c'est ça. C'est quoi ton nom de DJ? DJ dans une boîte à touze. Ah, je vais pas le dire, ça. Non, je connais très bien un DJ, il s'appelle DJ Roro. Il est super. Bonsoir. Il s'endort, non? DJ Roro. Bonsoir, comment vous allez? Bah ça va. Eh ben voilà, c'est DJ Roro pour vous servir. On n'est pas fatigué. Cédric. Ouais. Petit test d'ambiance. Vous êtes fatigué? On n'est pas fatigué. Ouais. Génial. Super. Donc toi t'es... Ah oui, c'est vrai que dans les clubs il y a de la musique, même dans les clubs libertins. Ah oui. Les boîtes à cul, les boîtes à partouze. Et donc toi t'étais DJ, mais t'as dû voir des trucs de fou, non? Bah, des trucs plutôt dégueulasses, ouais. Ah, vas-y, toujours... raconte. Il n'y a pas toujours que des beaux couples, hein. Tu vois des mecs qui ont surtout des ventres qui dépassent par au-dessus de leur... Ah, voilà, salut Didi. Qu'est-ce que t'as vu de dégueulasse, toi, dis-nous, David? Bah, après, hein, t'as surtout des couples, où genre la nana, elle est canon et le mec, c'est un gros beauf tatoué avec le Johnny et tout. Et là, tu te dis, mais pourquoi il arrive à la serrer, la meuf? Ouais, mais c'est clair. Après, ouais, quand tu passes dans les chambres, les portes qui sont pas fermées, en général, faut pas regarder, quoi. Alors, c'est comment? C'est comme une boîte? Donc, t'as une piste pour danser, t'as un DJ? Moi, là où j'étais, t'avais vraiment une boîte. Et après, t'as des chambres à côté? Voilà, t'as un petit couloir, ça emmène aux chambres. Après, t'as les escaliers, t'as le sauna, jacuzzi, hammam, tout ça. Putain, ouais, le sauna, ça doit être dégueulasse. Et le jacuzzi, vous imaginez? T'as des zones coquines, quoi, où tu peux te mettre un peu à l'écart. C'est un jacuzzi au sperme. Ouais. Ah, ouais. Putain, ouais. Et à la mouille. Il est conseillé de pas coucher dans le jacuzzi. Juste il est coller un peu. Et voilà. Ouais, il est conseillé. Mais moi, j'irai pas dans le jacuzzi, moi, déjà. Ça, mais après, ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment prévu pour coucher, quoi. Moi, je l'ai fait avec une nana dans une chambre. La boîte de préservatif qui est à côté, t'as le gel au cas où, t'as les serviettes. Ah ouais, c'est bien foutu. Une connaisseuse. Marie. Non, mais j'ai déjà vu, moi. J'y suis déjà allé. T'inquiète, j'ai ma carte de membre. D'ailleurs, j'adore les gros membres aussi. Bonsoir, David, je te rassure, j'en suis également. Non, j'ai jamais rien fait. En plus, j'étais avec des potes homo, donc absolument rien à voir. Mais j'étais allé voir, t'as les Kleenex, t'as tout, en fait, dans ce truc-là. Mais moi, il y avait des fenêtres, tu sais, dans les pièces. Les gens pouvaient regarder quand ils passaient. T'as même des glorioles où tu mets ton sexe dedans, tu vois pas la personne. Les glorioles, c'est les murs à trous. Ouais, tu te fais sucer à l'aveugle, ouais. Bon, par contre, Cédric, c'est pas si elle passera la tienne. Elle passera la mienne. Ouais. La bite, oui, les couilles, non. Mais il est pas conseillé de mettre ses couilles dedans. Voilà, désolé, monsieur, j'ai cassé le trou, ma couille, elle a pas voulu passer. Cédric, il te bousille l'orgueil. Ouais, le mur, il se casse la gueule. Tu vois Cédric derrière. Voilà, mais tout le monde me voit. Tiens, il y a Michael qui nous dit, la boîte du DJ, elle est pas située à Léménil. Ouais. Je vois que t'es repéré, on est très écouté du côté de Nancy. Big up les Nancyens. Ouais, c'était pas loin. Ouais. Salut la Lorraine. Et donc toi t'as déjà des meufs qui sont venues draguer, que t'as pu baiser là-bas, ou c'est régulier, c'est souvent? Comment ça se passe? Moi j'y suis plus hein, maintenant, ça date, mais quand ouais, ouais, bien sûr, j'ai déjà mixé et je me suis déjà fait sucer en même temps. Ouais. Ça c'est le fantasme de tous les DJ, ça. Ouais, c'est clair. Mais en plus, la cabine était bien faite exprès. En dessous, il y avait vraiment de la place pour mettre quelqu'un. Tu sais. Ça, c'est bien foutu. Ils ont tout prévu dans ta boîte à cul. Les chambres, le Kinect. C'est bien fait, quand même. Le mec. Donc, mais la meuf, tu mixais, elle t'a sucé, mais elle t'a sucé jusqu'au bout. C'est bon, ça. Ah ouais, bien sûr. Bah, c'est pour ça qu'il y a une coupure de son après, quoi. Ah, il y a un problème, oui. Ouais, tu peux pas enchaîner des moments. Mais après, ce qui est le plus perturbant, c'est qu'il y a son mec qui me regardait et qui était assis, à 3 mètres de moi, quoi. Et il était content. Ouais, il rigolait. Enfin, c'est il était... Oui, ma meuf, elle est en train de sucer DJ. Ouais, je vais raconter ça de ma maman pour leur pas de famille. Oh, et c'est pas le dernier qu'elle va sucer dans la soirée. Il se branlait, le mec? Il se branlait? Ouais, il se branlait, ouais. Enfin, il se touchait après, je pense qu'ils sont partis, il s'est terminé dans elle, tu vois. Quand les mecs, ils se branlent comme ça en regardant, il gicle sur la piste de danse. Après, ça glisse. Non, il essaye quand même d'en se remettre plein les mains et les mouchoirs, quoi. Et puis il y a toujours un petit siège, tout ça. Ouais, le mec passe discrètement la main sur la banquette. Allez. Mais t'as vu quand même des nanas qui, enfin des belles nanas plutôt jeunes et tout ça, parce qu'en général on pense tout le temps que c'est plutôt des vieux qui vont là-bas. Je peux pas trop en dire, mais c'est impressionnant le nombre de personnes, enfin le nombre de couples qui venaient. et que je connaissais, quoi. Et je me suis dit, non, toi, tu viens ici. Ah ouais, c'est vrai. Ah putain. Ah ouais, non, mais c'est clair. Il y avait vraiment des beaux couples, hein. Des fois, il y avait vraiment des beaux couples. On ne connaît pas la vie intime de tout le monde. Regarde, Marie, elle s'est vendue tout à l'heure en disant qu'elle savait qu'il y avait des Kleenex et tout ça. Donc, non, je me suis pas vendue. Je suis avec la Bubertin, par exemple. Non, mais en tout cas, par son histoire avec ses potes homo. Par contre, il y a Jack, lui, a priori, il te connaît. Il connaît le nom de la boîte où tu travailles et tout ça. Il a passé des années dans cette boîte de ouf. Ah oui, je vois. Ah bah, tu vois. Donc, t'as dû voir la bite de Jack. 22 ans, il a Jack. Salut à toi. Sa bite, son cul, tout. Il y a Johanna, lui, il sort dans des clubs dans le Nord. Salut à toi, Johanna. Moi, je suis déjà dans une boîte échangiste. C'est Farid de Paris. Salut à toi, Farid. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé. Il y a Soso de Nancy qui connaît le nom de ta boîte aussi. C'est une forme, le nom de ta boîte, c'est ouais, ça? Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Merde, je suis grillé, en fait. C'est tout le monde qui me connaît. Ah, puis, je peux te dire, on en reçoit pas qu'il y a des messages. Non, mais c'est vrai, hein. Putain, le nom, il revient souvent. A priori, c'est The Place to Be dans ton coin. Voilà. Il y a Laure qui a rencontré une de ses copines en allant là-bas. Ouais, mais sache que la copine, elle a dû se dire la même chose en te voyant, Laure. Ouais, c'est clair. Tu tombes sur quelqu'un que tu connais, ça doit faire chelou. Oh, putain, t'as pas honte, t'es là? Bah oui, mais toi aussi. Non, mais c'est clair, oui. Dans ce cas-là, t'as pas gueule. Tu reçois des messages en privé sur Facebook qui disent, parce que t'as vu, tu le gardes pour toi. Hein. Ouais, t'inquiète. Ouais, pas de problème. Le pire, c'est que tu tombes sur le mec d'une copine ou un truc comme ça, là, je pense que c'est un peu le bordel. Bah, le pire, c'est si tu tombes sur ta mère. Ah non, dégueulasse. Dégueulasse. Elle est là, mais elle est pas avec ton père. Elle est là avec ton oncle. Non, avec plein d'autres mecs aussi. Ouais, c'est ça. En guépier. Bah, elle est là avec tes oncles, alors. Ou alors, tu sais, t'imagines, il y a 3-4 mecs qui sont en train de niquer une meuf, elle se relève et tu te rends compte que c'est ta mère. Mais tu sais, tout important pour toi aussi, la niquer à la base, tu vois. Tu vois que c'est ta ouais, merde. Tu dis, ah, je vais niquer, tiens. Et là, hop, putain, maman. Oh merde, salut. Ah, mais je tape tous les mecs, tu me donnais pas, je sais pas. Bon. Ah, bah, t'as ça arrête de taper les mecs, ta mère, elle est d'accord. Hein. Bah, non, oui. Je m'en bats les couilles. Bon, le belge, il faut carnage. Pas que t'ailles au club échangiste. Tu casses le gloriole en mettant ta bite avec tes couilles. Ouais, une couille, ouais, derrière, tu veux taper les mecs, c'est pas possible ça. Tiens, tu connais le chat noir, Romano, à Bordeaux. À Dijon. Ouais, c'est une boîte, ouais. Il y en a une à Nancy aussi. Et on a le Bordelais également, qui le chat noir de Dijon, on dit. Et il y a le Bordelais qui nous dit... Bah, non, mais le chat noir, c'est pas une boîte échangiste, hein, à Dijon. Non, c'est une boîte où je travaillais là-bas. C'est une boîte classique, quoi. Ah, d'accord, il a tout reconnu carrément, c'est dingue, ça. Ouais, ça y est, je suis grillé, merde. Bah, écoute... Oh, c'est pas grave, hein. Bah, écoute, maintenant, on sait. Bon, tu es venu à t'as travaillé combien de temps, là-bas? Où ça, au chat noir ou au Club Hubertin? Au Club Hubertin. Un an. Ah non. Ah ouais, quand même. Et ouais, après, ça a été fermé par la mairie. Ah merde, dommage. Le maire n'a pas apprécié d'avoir tu un club. Tu mettais quoi comme son? Parce que pour niquer, il y avait quoi? Des valses? Non, je rigole. Non, bah... Ah, génial, les valses, j'adore. C'est trop bien ton non, club. Mais quel style? Non, c'est Electro House. D'accord. Ah ouais, bon. Et ouais, de toute façon, tu baisses en cadence. Ouais, bam, c'est ça. Tu baisses dans le rythme, tu baisses, ça sent, allez, à 140 BPM. Et hop là. Bon, et on a Céline, attendez, on prend juste Céline, et puis après, on reprendra. Bah, vous êtes toujours avec nous, hein, Jay et Rebecca. Donc, les boîtes à cul, ça vous branche après le petit témoignage de David ou pas? Bah, pas pour l'instant. Ah, franchement, ça fait rêver pourtant. Ouais, non, mais pour l'instant, ça fait pas du tout rêver. Et Céline, elle est avec nous, elle est à Paris. Salut Céline. Oui, salut l'équipe. Salut à toi, t'as 29 ans, toi Céline. C'est gentil de nous appeler. Alors c'est bien qu'on ait la vie d'une fille aussi, parce qu'on a eu Rebecca qui veut faire, mais c'est elle qui posait la question. Donc, qu'est-ce que t'en penses, toi, Céline, de cette histoire? Alors, moi, en fait, j'ai fréquenté pendant un temps l'un des clubs libertins les plus sélects, entre guillemets, de Paris. Je sais pas si je peux dire le nom. Le club libertin, vas-y. C'est toujours intéressant. C'est les Chandelles. C'est les Chandelles, c'est connu. Ah, mais t'as croisé Jean-Michel Maire de toucher. Peut-être, non. Quand j'y étais, il était pas là. Ou Patrick Sébastien. Ouais, il y a Patrick Sébastien qui allait aussi. En effet, il y a des beaux gosses, dis donc. Il tournait les serviettes. Il y avait l'acteur aussi, Claude Brasseur. Oh, et puis pour tourner le tour, il n'y avait pas Gilles Verdez non plus, non? Non, mais. On n'a pas tourné les serviettes. J'ai mal à mon cul. Bah, Gardisso, je squattais là-bas aussi. Mais t'allais faire quoi là-bas, toi? Et ben en fait moi j'allais avec un ami amant en fait un ami amant okay. Voilà un ami amant, enfin, mon partenaire quoi. Oui. Ouais, un sex friend. Allait... sex friend ouais. Voilà, un sex friend tout à fait. Et on y allait pour c'était pas tant pour s'envoyer en l'air. Toi t'allais pas pour trouver des mecs là-bas ou pour te faire non. Non, franchement, enfin, si j'avais envie de m'envoyer en l'air, je m'envoyais en l'air avec mon partenaire. Moi c'était plus le côté exhib en fait. T'as de quoi de voir les autres à poil, de te mettre à poil toi aussi? Ah non, de savoir qu'on peut nous voir, ouais, de voir. Ah, parce que toi tu baisais avec ton pote dans le machin. Oui. Ah, et t'étais excité de savoir que les autres ils te regardent. Ah, t'es exhibe voilà, un peu quoi. Après, bah oui, après chacun a ses délires. Je sais que moi je suis plutôt exhibe, donc Oui, donc toi, c'est parfait pour toi, ça. Mais même si, je sais pas, si c'est gros Robert qui te regarde. Absolument, oui. Ouais, c'est compliqué. Ça met un peu mal à l'aise. Le problème, c'est que tu peux pas trier les gens qui te regardent, quoi. Ouais, non, c'est gros Robert, je regarde. Alors, c'est pour ça que, justement, ils peuvent regarder. Bon, faut un peu regarder. Enfin, faut pas trop calculer. Mais après, s'il a pas le feu vert, c'est sûr qu'il touchera pas. Il osera pas toucher. Absolument, oui. Ah, tiens, Patrick y allait également. Salut, Patrick. Dans un club libertin, en fait, c'est pour ça que je voulais conseiller le couple là qui voulait réessayer l'expérience. Ils sont là, c'est Jay et Rebecca. Voilà. En fait, je voulais vous conseiller, si vous voulez vraiment faire ça dans de bonnes conditions, moi je vous conseille d'aller dans un super bon club libertin, plutôt select. Vous allez rencontrer des gens beaux, vraiment, enfin des belles personnes, habillées, propres. Tu travailles là-bas, toi. Attends, Jean-Michel Maire. Patrick Sébastien. Patrick Sébastien. Je les ai pas vus, moi. Non, Patrick Sébastien, il allait dans un autre, il allait au club 41, lui, avec une vieille dame qui s'appelle Denise. Eh bien, tiens, va baiser Patrick Sébastien et Denise. Voilà, ils vont dans des clubs un peu beaufs, quoi. Enfin, tu vois, où tout le monde est à poil sur la. Non, mais Denise, genre, la meuf, elle a 80 piges. Elle s'enfile une pomme sur le bar dans la chatte. Bravo, Denise. Elle a la santé. Eh bien, ça, je pense que ça vous a donné encore plus envie d'y aller, Jay et Rebecca. Pas du tout. Même Patrick Sébastien, il a expliqué dans le club, je sais plus quoi, une fois il y avait une meuf sur le bar, je sais plus, elle s'était rentrée un serpent ou un truc. Ah, dégueulasse. Ça, mais... Oui, un piton. Immonde. Et la prochaine fois, elle se met un cocotier dans la chatte. Immonde. Et toi, ce que tu voulais dire, ouais, c'est rencontrer de belles personnes, prendre le numéro et faire ça à la maison, non? Oui, après, tu les ramènes à la maison, tu fais pas ça sur le lieu si t'es pas exil. Ouais, voilà. Voilà. Et puis, il faut aussi faire la différence entre les clubs, échangiste beauf, tu vois, où t'as Gisèle et René. Depuis 1980, on vient ici. On est là en train de baiser tranquille. Qu'est-ce que je lui ai mis à Gisèle? Ah ouais, dis donc, qu'est-ce qu'elle a pris dans le club? Ouais, de bien choisir en fait. Et sinon, pour les rencontres, quand on veut faire des plans à trois, il y avait, tu sais, la solution qu'on nous a donnée depuis tout à l'heure, Jay, c'est sur le net. Mais t'es déjà allé sur le net, t'as trouvé plein de tordus, donc. Ouais, non, c'était des tordus, c'est pire que les mecs à des moments. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, est-ce qu'il vaut mieux le faire avec des amis ou alors avec des gens pas connus? Ouais. En gros, ce qui revient, la majorité, vous nous dites de faire ça avec des gens que vous connaissez pas. Ouais. C'est mieux. C'est le mieux. Bah, tiens, regardez, le message, là, qu'on nous a laissé, c'est X-Men qui nous dit que, comme ça, tu peux t'en débarrasser facilement. On est d'accord avec toi. En tout cas, dites-nous comment vous allez faire pour la suite. Et sinon, essayez de trouver un club plutôt sympa du côté de Lille. Le Top Bug, le classement officiel des bugs de Romano sur Skyrock. Et du côté de Lille, la France et la Suisse ont fait 0-0 ce soir pour le dernier match du groupe A. Les Bleus qui terminent en tête du groupe. Il y aura des places à gagner demain matin pour la suite de la compète dans le morning entre 6h et 9h. Bienvenue à vous tous. La spéciale, le meilleur de Difool. Ça continue jusqu'à minuit. On va retrouver Armando qui a snappé un gangbang. On aura encore un double appel. On se mettra également le réveil de star de Kev Adams. Et pour terminer l'émission, le tour en Féfé en Ferrari d'SCH sur les Champs-Élysées avec Cédric et Romano. Mais tout de suite, c'est l'heure du récap du Top Bug de Romano. Comme on se fait tous les dimanches soirs. Il y a eu deux sorties cette semaine dans le Top Bug de Romano. Terminé pour le bug, il y a Cyril, lui, il a fait la fête. Et terminé pour le bug également, je dois bien t'avouer. Entrée directement cinquième du Top Bug de Romano, c'est le bug Pascal. Quatrième, moins un pour le bug Hello. Hello, hello, Ili. Troisième du Top Bug de Romano, c'est Pamela avec le bug, j'ai la minette épilée et longue sur les côtés qui gagne une place. J'ai la minette. Entrée directement numéro 2 du Top Bug, le bug Linoleum. Et toujours à la première place, c'est le bug, je trouve ça anti-sexy au possible. Pour aller voter pour les bugs de Romano, vous allez sur le difool.skyrock.com ou encore sur l'appli des bugs de Romano. Il y aura des nouveaux bugs à découvrir en direct, ça sera mardi soir et le nouveau classement, ça sera mercredi entre 21h et minuit. On se met du son tout de suite, c'est Drake avec One Dance dans la spéciale de Difool sur Skyrock. Après t'avoir offert plus de 200 places pour l'Euro 2016, Skyrock et le Crédit Agricole continuent d'offrir des places pour assister aux demi et finales de l'Euro 2016. Skyrock! Rendez-vous tous les matins entre 6h et 9h. Morning Show! Et gagne tes places pour les matchs de l'Euro 2016. Skyrock! Crédit Agricole, partenaire national de l'Euro 2016. Skyrock est premier sur la Foot Champion, mon frère! Le 36-92 est le numéro pour discuter avec des hommes et des femmes, échanger vos numéros et pourquoi pas vous rencontrer. Le 36-92, le numéro pour réaliser tous vos projets, même les plus fous. Alors n'attendez plus, appelez dès maintenant le 36-92. C'est très simple et surtout rapide. Télone, 80 centimes d'euros la minute, plus prix d'un appel.

la connaît, le son d'SCH sur Skyrock en ce dimanche soir. SCH qui va partir en tournée Skyrock dans toute la France le 4 novembre. Il sera du côté de Lille, il va passer à Senon, Rennes, à Brest, à Strasbourg, Nancy, Villeurbanne, à Saint-Etienne, au Zénith de Paris et du côté du Dôme de Marseille. Les billets sont déjà en vente. On aura bientôt également des invités à vous offrir car Skyrock est premier sur SCH. SCH que vous retrouvez maintenant pour la suite de la spéciale de Difool. Je vous annonce également que d'ici à minuit, on se remettra un double appel avant de retrouver Fred et DJ Case pour un Rail Suprême spécial Fête de la Musique. Mais tout de suite, on file dans la rue. Je vous rappelle un petit peu ce qui s'est passé. Cédric le Belge a loué une Ferrari. Il a mis 20 000 euros de caution. Il s'est mis au volant de la Ferrari. On a mis SCH dans la Ferrari. On a mis Romano à l'arrière. Et Romano, Cédric et SCH qui partent faire un tour en féfé. Maintenant, sur les Champs-Élysées, on se fait ça tout de suite dans la spéciale de Difool. Ouais, la radio libre SCH ce soir en direct sur Skyrock, ils sont là avec nous dans la Ferrari. Attention le bordel dans la voiture, vous êtes prêts? Attention, on est prêts? 1, 2, 3. Oui. Allô. Bonjour. Salut la Ferrari. Oui. Salut SCH. Salut Romano. SCH est avec nous aussi. Très bien, vous êtes où là? Vous êtes en direct sur les Champs-Élysées. Là, on est en train de rejoindre les Champs-Élysées. Oui. Pas loué. Si, elle est louée. Pas loué. Pas loué. Pas loué. Direction des Champs-Élysées. Pas loué. Alors, qui conduit? C'est Cédric. Cédric, comment ça se passe au volant? Ah bah très mal. Il a commencé par une voie de bus. C'est pas vrai. Et SCH, comment il sent SCH? Eh ben SCH, prends le téléphone. Alors, SCH, j'ai juste un petit problème. Alors dites-moi. Ouais, je sais pas, t'es pas parti avec un briquet tout à l'heure? Ah ouais. Écoute, chez nous c'est un grand classique, on met à l'amende les briquets. Ouais, ben bah c'est bon, c'est le mien. Hein. Juste. C'est moi le voleur de briquets peut-être. Ouais. Oui, j'ai vu. D'ailleurs, je vais m'en créer une avec ton briquet. Ah, santé. Hein. Bah, tu sais que tout est permis pour toi aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Anarchie. En tout cas, il est là. En tout cas, vous êtes des grands malades. Et moi, encore une fois, je m'en sors bien parce que j'ai rien loué. T'as rien loué. C'est Cédric qui a loué, a loué. Là, on se dirige vers les Champs. Cédric, t'as les chevaux. Cédric, il est chaud, il tape des accélérations, tout ça, il croit qu'on est seul au monde. Il va se faire sauter son permis. Hey, SCH, tu sais que Cédric a eu très exactement 15 accidents de voiture depuis qu'il a son permis. 15. Combien? 15. C'est rassurant. Tu m'as pas dit que t'avais eu 15 accidents de voiture, mon bâtard. Là, mais non, mais je suis... Hey, il a eu 12 accidents de voiture, il m'a dit, il vous a corrigé. Oui, il en a oublié 3. Comme si 12, c'était moins, tu vois. Ouais, en plus, on les a comptés, c'est bien 15. Ah, c'est chaud. Le seul mec qui est capable d'avoir un accident tout seul quand il n'y a personne autour de lui. Ouais, dans un mur. Alors, s'il pourrait éviter, ce serait cool. Oui, ça serait pas mal, bah surtout. Hey, ça ferait une belle promo pour l'album. Là, tu vois, genre, il accélère. Il accélère, mais il y a un feu rouge devant lui. Ah non, mais il est con. Freiner là. Donc, il freine. Ah, c'est bien, Cédric. C'est quoi comme Ferrari? Il y a plein de messages. À Ferrari sur les Champs, dans le mur. C'est feu rouge. Pas dans le mur. Non, pas dans le mur. Hein. 20 000 euros de caution, hein, Cédric, attention. Hein. Écoute, ça n'engage que lui maintenant. Ah bah ça c'est pas faux. Je suis entièrement d'accord avec toi. T'as capté? Ouais, ça n'engage que lui. Bon, Romano, comment tu te sens dans la Ferrari? Ah moi je me sens bien. Ouais. Il prend l'air. Il a les cheveux au vent? Il a les cheveux au vent. Quoi. Parce qu'il lui reste de cheveux au vent surtout. Il a la calvitrie qui me fait un peu flipper quand même. Il prend l'air au-dessus de son crâne. Oui. Des accélérations de ouf. Tu vois de quel je parle? Oui, je vois tout à fait. C'est bon. Bah là on arrive. Place de la Concorde, en bas des Champs-Élysées. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Voilà, place de la Concorde, ça y est. Ah, Cédric, emmène-nous au magasin du PSG, gros. Ah oui. SCH, on s'arrête à la boutique du PSG. Ouais. On va te faire enculer. Oui. De parler, gros. Bien, Samy est content. Hein. Ah, okay. Oh, putain. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire le son sur Champs-Élysées? Tiens, on nous demande, pour ceux qui savent pas, là, qu'est-ce sur qui m'a donné envie de faire Erwan nous pose la question, ouais. Bah écoute, là, quand je suis dans cette voiture et que j'y arrive, je sais pourquoi je l'ai fait, déjà. Et c'était l'image de ces jeunes, tu as vu, qui montent sur Paname et qui ont un petit peu en eux l'impression de racheter la ville. Ouais. Tu vois. Et puis c'était un hommage à notre Joe Dassin. Joe Dassin. Champs-Élysées. Tu vois le délire? Ouais, je vois. Moi, tu vas chanter celle-là, en fait. C'est le Joe Dassin 4.0, c'est SCH. Non, je crois qu'on va se mettre Champs-Élysées, ouais, 4.0, comme t'as dit, ouais. Eh ben là, yes. Figure-toi qu'ils vont mettre aux Champs-Élysées de Joe Dassin dans la voiture comme musique. Ouais. C'est super. Si on envoyait le son. On y est, là. Ah, vous y êtes? Allez, envoie le son. Allez, faites péter le son dans la voiture, Champs-Élysées, en direct des Champs-Élysées, sur Skyrock. C'est parti, c'est SCH. C'est notre cadeau, la Ferrari de la soirée. Alors, ça fait quoi dans la Ferrari, à Petit Champs-Élysées? Écoute, on y arrive. Ah, on est bien. Cédric, c'est chaud. Bah ouais. Ça y est, ils font péter le son. Bah ouais. Bah ouais. Voilà. La prochaine fois que t'as un clip à tourner, si t'as besoin d'une grosse caisse, on est là. Lamborghini, Ferrari. Romano qui gueule derrière. Plus vite, Cédric. Plus vite, Cédric. Ah putain, le bruit de la Ferrari. Eh, mais des grosses accélérations. Eh, vous allez vous faire péter par les gueules. Ah, c'est clair. Moi, ça m'est déjà arrivé. Albès, ça a ouf. Je vais rien dire, non, on était là. Alors, à peu près à 200. Là, il y a 200. Plus de 200. C'était pas mal. C'était cool. Vraiment. Attends, on était où là à 200? Je sais pas si tu vois. On était sous un tunnel. Ouais. Sous un tunnel. C'est ça. Gamo, tu vas échanger. Pas loué. Pas loué. Pas loué. Pas loué. Pas loué. Pas loué. Pas loué. Et alors, quand on est dans une Ferrari, est-ce que les filles regardent plus? Est-ce que les... Vas-y, tu Cédric. Il a peur. Romano, est-ce que tu... Accélère, Cédric, il demande SCH. Voilà. Romano, est-ce que t'as l'impression d'être plus séduisant quand t'es dans une Ferrari que... Ah bah, je m'en bats les couilles, je vais quicher, moi. Mais pourquoi tu vas quicher? Je le sens venir, celui-là. Non, en plus, il a le proprio juste à côté. Et SCH devant, ça t'a vomi devant. Dans les cheveux. SCH aussi. Ah, SCH aussi, Cédric, il conduit tellement bien que les deux ont envie de vomir. C'est pire que le Space Mountain, tu sais. Oh putain. SCH, c'est un produit de luxe. Il peut baiser par-dessus le. Ouais, c'est vrai, tu peux vomir sur les voitures qui sont derrière, Romano. Voilà. Mais là, Marseille sur les Champs-Elysées, c'est pas beau ça? C'est beau. C'est beau. Allez, tu fais le klaxon. Le klaxon de Marseille, à savoir. Et voir. Alors, ça c'est le kiff. Ah ouais. Ah ouais, ça. Allez l'OM. Putain, sur les champs. Allez l'OM sur les champs. Ah bien, Mino. C'est le délire. Ah, on a capté. Devant la boutique du PSG. Bon, alors attention, il va y avoir une embrouille avec le propriétaire qui lui est pour Paris. Abdel Lebes, c'est pour Paris. Il menace de décharger SCH. Tu vas rentrer en métro. Ou alors il va kidnapper. Fais attention. Méfie-toi. Et ouais, Skyrock, c'est le luxe. Pas loué. Ouais. Ah, il y a du monde qui écoute à côté là. Ah bah ouais. Ah bah oui, c'est vrai qu'au bout d'un moment ils vont y arriver aux Champs-Elysées. Salut les tout le monde. Salut. Ouais, ceux qui écoutent. Salut. Là, Boubacar avec nous. Salut Boubacar. Il est à côté de nous, il est chaud. Ouais, Ouais, Boubacar. Il est sur les champs. Mais il n'y a pas de Ferrari. Et l'autre qui sont derrière. Et Romano qui est content comme tout. Oh la émeute sur les Champs-Elysées là. Salut Paris, ouais, salut les Champs-Elysées. Ah ouais, putain, mais y a du monde. Eh, ça klaxonne. La Ferrari Skyrock est sur les champs là ce soir. Ouais. Avec Cédric au volant, c'est avec un Marseillais dedans. Salut Paris. Bah ouais. Merci Romano, c'était superbe. Il nous a fait une super version, magnifique. On vous attend. Allez, on est de retour dans un instant, on vous retrouve. A tout de suite. A tout de suite tout le monde. Salut tous les auditeurs de Skyrock. C'est la folie ce soir, dites donc là. Ouais. Tout le monde sur les Champs-Élysées. C'est le bordel. Vous avez une escorte? Allez, c'est bon. Allez. On va tous vous semer là. On sème tout le monde là. Ah, y a un cortège carrément. Allez, ramenez tout le monde. Bah, ramenez tout le monde, ouais. Allez, venez tous à la radio, venez tous à Sky. On vous attend. Vous suivez la Ferrari si vous y arrivez. Ils suivent. Oh, très bien. Ça gueule. C'est bien. Très bien. Bon, ben nous aussi, on fait nos manifestations cette semaine. Hein. Ouais. On nous dit, on dirait qu'on a gagné la Coupe du Monde avec SCH. Ouais, mais c'est ça. Ça klaxonne dans tous les sens. SCH, on a gagné la Coupe du Monde avec toi. Pas loué. Pas loué. Pas loué. En direct des champs, super. Ah, bon, c'est folie, man. On vous retrouve dans un instant. Ouais, avec vous venez. Avec votre escorte. Avec le cortège. Avec SCH. Et tiens, mais. En direct. Motherfuck. Motherfuck. Bah ouais. J'ai bien fait, là, SCH. Il va bien monter, il va bien conduire. Ah, t'as vu? Ah, vous êtes pas rentré encore, hein, fais gaffe quand même. Hein. Vous, êtes, SKY, vous êtes pas encore de retour. Oui, c'est SCH sur SKY. Oui, c'est ça, ouais. Exactement. C'est comme ça qu'ils... Dans la FF. FF. Oui, Romano. Non, rien. Je t'ai entendu dire allô. Il est en train de se la quitter. T'as pas quiché encore? Non, mais je ne sais pas, on s'est garé là. Pourquoi vous êtes garé? Bah, c'est pas Cédric, il nous a garé devant Vuitton, ce con. Non, mais Cédric, faut revenir. Louis Vuitton, c'est fermé à cette heure-ci. Tu vas faire des courses. Ah, il y a les keufs qui arrivent là. Donc on va bouger, en fait, je crois. Oui, je crois aussi. Ouais, c'est mieux. On va tout de suite. Revenez. Raconte-nous, Romano, qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, il y a plein d'auditeurs autour de la voiture qui viennent faire des photos avec SCH. Salut les auditeurs, salut SCH. Mais là, en fait, la voiture, on ne peut plus descendre, la bagnole elle est totalement c'est cerné. Il y a une émeute. Vas-y, accélère, Cédric. Vas-y, appuie sur le champignon, Cédric. Mais pas, pas sur les auditeurs. C'est dangereux, les auditeurs. Il y a des gens sur la voiture. Oh, non, oh putain, non. 20 000 euros de caution, Cédric. Émeute sur les champs. C'est pas la voiture, bordel. Enlève tes mains. Enlève tes mains. Oh, non. Ah, il devient fou le proprio. Bon Cédric, tu fais quoi là? Faut rouler Cédric. Cédric, il est descendu de la bagnole. Ah putain, bordel. 20 000 euros de caution. Ils vont revenir au métro. C'est la police. Il y a les keufs. Allez. Touchez pas la voiture. Ah ouais, bah ouais, ils viennent les voir. C'est la police, c'est la police. Oh là. Désolé, SCH. Attends, contrôleur direct. Il va falloir que je te... Attendez, je vous rappelle. SCH, le téléphone, la police est... arrive. Tu nous rappelles, Cédric. Très bien, nous restons en ligne quand même, on vous écoute. Ah ouais, c'est génial ça. On les envoie au casque. Attends, vas-y. Prenez-moi sur le téléphone. On te prend sur le téléphone. Prenez-moi sur le téléphone. Allô, Romano. Ouais. Tu m'entends? Alors là, attends. J'entends absolument rien. Vas-y, on t'entend. Allô? Oui. Oui. Donc là, on va essayer de déplacer la voiture parce qu'il y a la police qui arrive et qui bloque la circulation. Et voilà. Donc je pense que merci pour votre plan de merde. C'est la galère. Nous, on est bien ici. Hein. Mais c'est l'anarchie ce soir. Voilà, les mecs, ils ont arrêté la voiture, tout ça. Il y a du monde partout autour. La circulation est complètement bloquée. Ah, le bordel. C'est pas vrai. Même le propriétaire... Essaye de reculer. Mais il y a le son qui tourne derrière encore. Contrôle, on va voir. Très bien, bon bah vous nous tenez au courant de tout ce qui se passe. Ah ouais, ouais, bah il y a du monde partout, on va vous poster des photos sur les réseaux. Ah bah vous aurez toutes les photos. Ah ouais, c'est ça, ouais. Et Cédric, tu fais quoi exactement? Ah, que fait Cédric? Non, Cédric, il fait la sécu. Très bien, parfait. Oh la sécurité, touchez pas ma féfée. Bon, 20 000 euros de caution. Marche arrière. Ah, vous pouvez repartir. Et on va repartir de plus belle. Et attends, on a mis le son à fond. Ça va, SCH? Pas loué. T'as vu, même la police vient t'accueillir, SCH. C'est pas la folie, ça, quand même. La spéciale de Tifoul. 21h minuit sur Skyrock. La folie qui va continuer tout au long de la nuit sur Skyrock. On prépare un gros rail suprême. Deux jours avant la fête de la musique, un rail suprême spécial. Fête de la musique avec bien évidemment Fred, DJ Kaizo au platine. Il y aura des lives de Ritza, de MHD, de l'artiste, de LECK ou encore de Sultan. Et l'émission sera co-animée par un humoriste, un comique lillois. Il s'appelle Ilyes Jadel. Il a 18 piges à peine. Voilà, il déchire tout, Ilyes Jadel. Vous allez le retrouver avec Fred et DJ Case pour un gros rail suprême qui va durer tout au long de la nuit. Spécial fête de la musique, la spéciale le meilleur de Difool, je vous l'avais promis. Allez, pour terminer l'émission, on se met le double appel maintenant avec Difool et Romano. Allô. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Ah ben, c'est vous qui avez appelé. Le double appel de Difool sur Skyrock. Hein? Bon, alors, ce soir, on va donc appeler des familles de France, les numéros que vous nous avez laissés depuis 21h et tout au long du week-end d'ailleurs. Les deux premiers sont prêts. Chez qui on va s'habiller? On va chez Bruno. Oui. Et chez Jean-Luc. Bruno et Jean-Luc. Laissez bien les prénoms parce que parfois on n'a pas les prénoms. Jean-Luc, enfin, bon, est dans le 21. L'essentiel est qu'on ait les numéros. Hein. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Salut les filles. Allô? Allô? Salut les filles. Bon. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Allô? J'entends. Oui, j'entends. Je vous entends bien. Allô? Allô? Je peux pas vous rappeler, vous êtes en... Allô? C'est un téléphone qui marche mal, vous? Ah, moi, il marche bien, mon téléphone. Ah, ben, il marche mal. Bon, allô? Oui, allô? peut arrêter de nous appeler, monsieur, hein. Je peux pas vous appeler, vous avez un numéro masqué. En général, je raccroche pour le numéro masqué. Ah bah je suis désolé, moi j'ai des témoins, parce que je suis dans un bar en train de suivre le match de l'équipe de France. Et le téléphone n'arrête pas de sonner, monsieur. Allez, j'ai les bleus. Qui est au téléphone? Ah, et vous, qui êtes-vous, monsieur? Alors. Vous êtes qui, vous? Ah. Tu fais bien le supporter bourré, Romain. Ah bah évidemment, bah attends, j'ai ça dans le sang. Hein. Mouah, c'est ça. Puis j'ai quand même Marie comme modèle. J'adore d'être modèle pour l'alcool. J'adore être bourré. J'adore être déglingué. C'est quoi? Alors, c'est qui là, du coup? Patrice et Thierry. Patrice et Thierry, attention. Dans le 37 et dans le 26. Je prépare Patrice. Allô? Absolument, oui. Oui, allô? Allô? Oui. Salut les filles. Allô? Allô? Oui. Allô? Mais qui c'est à l'appareil là? Allô? Oui. Mais j'entends deux personnes. En fait, j'ai une interférence, j'entends deux personnes qui se parlent entre eux. Salut les filles. Patrick. Allô? Allô? Oui. Allô? Allô? Allô? Bonjour madame. Oui, bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous madame? Je vous demande la même chose, vous venez d'appeler chez moi, c'est vous, qui êtes-vous? C'est Cédric. Cédric. C'est Cédric. Bonsoir, oui, Cédric. Ça va bébé? Non mais je pense qu'il y a une erreur là. Bonsoir, ça va bébé? Non, je suis pas votre bébé, non. Et t'es comment, t'as chaté comment là? Je suis en train de bander là. Ouais, et ben moi je vais te la passer ton érection. Hein? Tranquillement, ouais, avec ta queue à l'air là. Ouais, ouais, et ben je vais te passer ton érection. Viens faire un tour à la maison, tu vas pas être déçu du voyage. Et votre touche t'es complètement écarté ou pas? Super. Vas-y, rappelle-le, Louba. Vas-y, oui, Louba. Rappelle les deux, là, d'ailleurs. Tu vois. Il y a une super voix. Ah, lui, était chaud. Allez, vite, t'as pas été bon. Je sais pas si vous avez bien compris, parce qu'on a eu les deux. C'est Thierry Louba. Mais à la suite, l'un de l'autre, ouais. Un peu. Hein. C'est Thierry Louba. Ouais. Thierry Louba. Allô? Allô? Allô? Thierry? Oui. Thierry? Oui, allons. Oui, allons. Et petit con, va. Et t'as des couilles? Viens, là, viens. Toi, t'as mon numéro de téléphone, tu sous j'habite, t'as des couilles, viens. J'ai des godes? Ouais, mais t'as des godes, t'amènes ce que tu veux, hein. Mais amène ça, parce que je vais t'en mettre dans le cul, moi, tu vois. C'est son de cheval. Ouais, et ben, viens vite, je t'attends. C'est le brigadier Krink au téléphone. Tu reconnais le brigadier Krink? Vas-y. Brigadier Krink, le petit. Des godes, je vais t'en mettre des godes. Salut. Bon, là, on en rappelle deux autres. Bah, tu vas me ramener des godes, je vais te mettre dans le cube. Vous laissez vos numéros. Les numéros, il y a. Thierry et Stéphane. Il y a un Indien qui nous laisse Georgette, sa tante. Pas de problème, l'Indien Dupré. Georgette. Salut l'Indien, on appellera peut-être Georgette. Allô? Allô? Oui? Oui? Allô? Oui? Oui, vous êtes qui? Excusez-moi, je comprends pas, j'ai pas. Ça vient de sonner chez moi et j'ai pas appelé moi. Ah bah ça vient de sonner chez moi aussi, alors il y a un problème là. Ah oui, complètement, oui. En plus, cette je ne connais pas, donc je ne sais pas. Ah c'est peut-être un gag, je sais pas. Ça peut arriver, hein. Je sais pas. Je peux pas vous dire. Aucune idée. Bonsoir, ça va bébé? Ah oui, là effectivement il y a une connerie là. Ouais, exactement, je pense. C'est Cédric. On a été mis en relation, ça fait un peu comme sur les radios, quoi. On connaît un peu ça. On met en relation les gens et puis ça permet qu'ils s'insultent, je sais pas, c'est un truc dans le genre. Ah oui, d'accord, ok. Donc là, c'est moins marrant, en fait, hein. Ça fait moins rigoler, surtout à cette heure-ci, quoi. Ah, vous êtes pas obligé de vous insulter, hein. Oui, non, c'est ça. On s'insulte pas. Mais bon, c'est qui, alors, qui nous fait ça, en fait, on sait pas. Patrick. Patrick, c'est qui, Patrick? Tranquillement, ouais, avec ta queue à l'air, là. Je suis en train de demander, là. Ah ouais, d'accord, ouais bah c'est un peu naze, hein. Franchement, le niveau est bas, hein. Oh putain. Oh, qui t'encule, là. Ça, c'est mieux comme niveau? Oh la vache, ouais, là, c'est bas, là. Oh, là ça me fait délirer, là. C'est mieux, là. Ouais, c'est mieux, ouais. Ah, ouais, bah, tu vois. Mieux, ouais. Bon, allez, on y va à fond. Vas-y. Encule-la comme il faut. Bon, merci les familles. Ouais, t'es comment? T'as chaté comment, là? Ah oui, une dame aussi, il faudrait savoir, oui. Excusez-moi, c'est un ami à moi, il est un peu spécial, hein. Vous avez envie de vous m'assurer un petit peu, non? Allô? Non. Il y a la fille qui reste là, Cédric. Salut les filles. Je suis ton cheval. Salut les filles. Là, ils sont partis. Là. Ah, ils étaient super tous les deux. C'était ah, bah ouais, c'était bien. Ouais, ouais, lui, ouais. Lui, il a déjà écouté Sky. Ah, hein, ouais, il connaît, ouais. Il a déjà écouté Sky. Là. Ah, le niveau est haut. C'est la spéciale du dimanche soir avec le meilleur de Difool sur Skyrock. Niveau très très haut avec le Rail Suprême tout de suite, tout au long de la nuit, ça continue. Fred et DJ Kays avec plein d'invités en train de s'installer, une grosse soirée spéciale fête de la musique. Le Morning de Difool qui revient demain matin entre 6h et 9h. Déjà, il y aura le replay à pas louper entre 5 et 6 avec Mehdi entre 6h et 9h, Difool et Romano, donc à retrouver en direct. Il y a encore quelques chèques de 1 500 € à choper avant les grandes vacances. Allez vous inscrire sur le difool.skyrock.com et l'Euro 2016 après le match nul des Bleus, hein, les Bleus qui terminent quand même premier du groupe A. Il y aura des places à gagner pour les demi-finales et pour la finale offerte par Skyrock et par le Crédit Agricole. Pour les avoir, soyez à l'écoute de Skyrock. Je vous rappelle également que tout au long de la semaine, il y aura encore des places à gagner pour la tournée Skyrock de Rihanna qui va passer du côté de Lyon à Nice au stade Pierre-Mauroy à Villeneuve-d'Ascq et du côté du stade de France à Paris-Saint-Denis. La radio libre de Difool, retour en direct à pas louper également demain soir à 21h. Ça fait plein de rencarts tout ça. Et donc là, on laisse l'antenne Fred, DJ Kays et Ilyes Jadel, comique lillois, pour co-animer ce Rail Suprême spécial fête de la musique. Bonne nuit à tous et kiffez bien Rail Suprême jusqu'à 2h du mat sur Skyrock. Allez, allez, let's go! Rail Suprême. 2h, DJ Kays t'ambiance avec tous les sons du moment sur Skyrock. Allez, allez. Pour la fête de la musique, MHD. Promis sur RMHD. Rimka. C'est Rimka. L'artiste. C'est l'artiste, baby. Ritza. Salut, c'est Ritza. Et le CK. Le CK. Screech sont déjà dans Rail Suprême sur Skyrock. Passez une bonne soirée. Bienvenue dans Rail Suprême. Comme chaque dimanche soir, il est là. Il est beau, il est magnifique. Eh ouais. Comment ça va, Kays? Comme toi. Ouais, merci. Bah, très bien. Compliments, bah, tout se passe bien. Ouais, très bien. Ce soir, c'est assez spécial. C'est la fête de la musique. On attaque avant l'heure. En même temps, c'est vrai que la fête de la musique sur Skyrock, j'ai envie de dire, c'est toute l'année. C'est toute l'année. Mais ouais, c'est bien de le marquer aussi. Donc, ce sera évidemment le 21 juin et nous, on commence un petit peu en avance. C'est ça. Donc, une grosse émission. Qu'est-ce qu'il y a au programme, Kays? Alors, des au lives programme, ouais, il y a des lives. Il y a des artistes donc, qui sont venus honorer ce Rail Suprême, spécial fête de la musique. Donc, Ritza. Que tu connais bien. Ouais, voilà. Ritza, MHD, LECK, Rimka, l'artiste et plein d'autres. Sultan, notamment, ouais, aussi. Sultan. Il y aura MRC, Screech, il y aura du monde, voilà. Il y aura aussi Ilyes Jadel, un comédien qui va, ouais, qui sera là pour divertir, qui va l'émission, venir ambiancer un petit peu l'émission. Voilà, qui va venir nous embêter un petit peu pendant ces deux heures de folie. Et il y aura tes mix aussi. Bien évidemment. Tu vas pas te la couler douce toute la soirée. Non. Ils vont me remplacer sur quelques minutes, mais je serai là. Et bon, on va attaquer d'ailleurs. Avec toi. Avec une session mixée. Et puis après, on retrouvera justement Ritza en live d'ici quelques minutes et Sultan LECK. C'est parti, coup d'envoi. Allez, go, go. C'est bientôt la fête de la musique. MHD. Promis sur MHD. Rimka. C'est Rimka. L'artiste. C'est l'artiste, baby. Ritza. Salut, c'est Ritza. Et le CK. Le CK. Screech sont déjà dans Rail Suprême sur Skyrock. Pow, pow. Yeah. Appelle-moi en showcase pour ta soirée, je la pime. Comme corniche, aller-retour, moi, je suis dans ma piscine. Yeah. T'es pas ta belle, on tient l'in, in. Bouffer de chaleur dans la rue, je fais mettre la cream, cream. Je suis avec Blanca à casa, c'est la dream team. Ça fume du tag, un pagaille, ça le kill. DJ Case, DJ Case, t'ambiance avant l'heure pour la fête de la musique, c'est Skyrock. Pour un rail suprême exceptionnel, en mode fête de la musique avant l'heure sur Skyrock. De la musique, MHD. Promis sur RMHD. Rimka. C'est Rimka. L'artiste. C'est l'artiste, baby. Ritza. Salut, c'est Ritza. Et le CK. Screech. Ils sont déjà dans Rail Suprême sur Skyrock. Salut à tous les auditeurs de Skyrock. Salut à tous les auditeurs de Rail Suprême. Donc, moi, je me présente parce que vous ne me connaissez pas. Je serai l'hôte de cette soirée. Je m'appelle Ilyas Jadel. On va passer une très très bonne soirée ensemble pour le Rail Suprême spécial fête de la musique avec DJ Case. DJ Case, pourquoi tu me regardes comme ça depuis tout à l'heure? Arrête de me regarder comme ça, t'es vraiment stressant avec tes lunettes de soleil. Enlève tes lunettes, DJ Case. Tout le temps tu mets tes lunettes. Enlève tes lunettes, DJ Case, s'il te plaît. Enfin, je vais pas, parce que comme c'est son rail suprême, j'ai peur, il me vire. Donc voilà, on va se retrouver avec DJ Case, le meilleur DJ français. Voilà, donc c'est le rail suprême spécial fête de la musique. DJ Case, balance la sauce. Fred et DJ Case. La musique avant l'heure dans Rail Suprême sur Skyrock. Paris. Lève les bras, lève les bras, lève les bras, lève les bras.